You know, it's Halloween. I guess everyone's entitled to one good scare, huh? Look at me, Damien. It's all for you. We'll tear your soul apart. They're coming to get you, Barbara. They're here. I see dead people. What have you done to its eyes? What have you done to him, you maniac? We all go a little mad sometimes. Come. It is time to keep your appointment with the Wicker Man. Alors bonsoir tout le monde et bienvenue à l'épisode numéro 99 de l'Horreur Gamer Show. Sébastien Bouchard au micro. Et, wow, j'étudie l'épisode numéro 99, je suis comme un peu troublé, là. C'est malade, là. Dans pas long, on rajoute un chiffre à cette série d'épisodes. Ouf, c'est un peu stressant, mais ce qui est plus stressant encore, c'est qu'on a l'équipe complète est là ce soir pour le quatrième épisode des 31 jours d'horreur. Et c'est tout qu'un épisode parce qu'on a sauté une semaine. Donc, on va y aller vraiment rapidement parce que, mon Dieu, qu'on a du stock à jaser. J'ai tout d'abord celui qui voudrait jouer un jeu avec nous, Steven Lefrançois. Bonjour, Sébastien. Salut, Steven. Ça va bien? Oui. Ah, cool. Hey, pour ceux qui se demandent pourquoi je dis ça, c'est qu'on est présentement, vous irez voir le stream sur Facebook lorsque vous écouterez l'épisode. On est tous déguisés ou presque, donc Steven est en le genre de pantin de Jigsaw dans la série Saw. Et très très cool ton maquillage, ta blonde a très bien réussi. Merci. Ouais. On a celui de peu de mots, mais de beaucoup de meurtres aussi. Jean-François Tremblay est avec nous. Salut Jean-François. Allô? Ah, il parle. J'avais quand même peur. Je suis déçu. Non, mais moi, je suis l'inspiration. Sean Cunningham est venu me voir dans mon quartier, puis il m'a vu bûcher. J'étais avec mon masque de hockey. Moi, j'étais un amateur de hockey, puis il m'a vu bûcher dans ma cour, puis il a dit « Ah, tu sais, ça ferait un bon tueur pour mon film, ça. » Ils ont utilisé mon nom, mon image, puis tout. Mais moi, je suis le vrai Jason. Ah, OK. Ben, je te crois. Et là, c'est l'autre qui doute. Mais on doute aussi de son costume. C'est Vicky Langlois. Salut, Vicky. Jamais eu le mémo d'être costumé. Il n'y a jamais eu le mémo. Il n'y a jamais eu le mémo. Je suis costumé en vieille grêcheuse. Bon, c'est ça. En propriétaire de resto fatigué. Ah, oui. Oh, man. Méchante semaine. Et moi, ben, je suis prêt pour que la patte patrouille parte en mission. J'ai pris... Ma blonde est venue me donner à la dernière minute le costume de Marcus de la Patte Patrouille à mon petit gars. Alors, évidemment, c'est un casque qui me va à ravir. Il a mis un petit peu de crotte sur le nez. Il a même mis un petit crotte sur le nez. Vraiment, là, je sais pas en tout, c'est brun, mon affaire. T'sais, ça sent un chien. Non, ça sent rien. Fait qu'on va, on va supposer. J'ai le liché, correct. Ah, c'est tu vas jouer un jeu, essaie de toucher avec ta langue. La... sur ton nez. Hey gang, on a sauté un épisode pour les 31 jours d'horreur. Ben, on n'a pas sauté un épisode, on a sauté une semaine. C'est pas la fin du monde, mais ça nous fait quand même beaucoup de choses à traiter. Donc évidemment, on va peut-être y aller vite sur certaines journées des 31 jours. Mais on va commencer tout de suite. En fait, crier une petite madame, puis après ça, on se revoit tout de suite pour le premier segment des 31 jours d'horreur. Alors, on commence tout de suite ce premier segment avec la journée numéro 15 des 31 jours d'horreur, la thématique des clowns. Et Vicky, tu vas enfin pouvoir nous parler du film dont tu nous as gossé avec depuis le début des 31 jours d'horreur. Mais je suis tellement contente d'avoir gossé tout le monde, dont Yannick, mais vraiment tout le monde pour ce film parce que je l'ai adoré. Quel film? 31 de Rob Zombie. Merci de me ramener, parce que moi qui haïs ça en plus quand on dit passer les titres de films. 31 de Rob Zombie, je voulais vraiment le voir parce que j'aime la décadence de Rob Zombie, j'aime le gross, j'aime le sale de Rob Zombie, j'aime ses rednecks, j'aime ses personnages. Je suis de ceux-là, oui, qui ont un fan, je suis du fanbase de Rob Zombie. Et je comprenais pas le titre 31, blablabla. Je me demandais. Puis finalement, le titre n'a pas vraiment d'importance. On retourne vraiment à la base de Rob Zombie. Donc, du torture porn, du gore, des personnages qui sacquent beaucoup trop, des jumpscares, des affaires dégueulasses, des moments qui vont te mettre mal à l'aise. Moi, je suis une fan du Rob Zombie, House of a Thousand Corpses, puis Devil's Reject. J'aime cette espèce de côté sale-là, son grain de pellicule toujours un peu orange-brun, sale. J'étais vraiment contente de retourner aux sources de ces personnages-là, aux sources de cette violence-là. Je peux pas le conseiller à tout le monde, encore moins ceux qui ont aimé Lord of Salem, parce qu'on est très, très, très loin de ça. Je pense que ça s'adresse vraiment à ceux qui ont, mettons, aimé le remake Halloween qu'il a fait. Le monde qui aime vraiment Rob Zombie puis qui savent à quoi s'attendre avec ces films-là, je pense que vous allez apprécier retourner dans ce que Rob fait, à mon avis, de mieux. Mais il faut aimer ça. Si t'as jamais aimé un film de Rob Zombie, tu vas le détester pour mourir. Parce que là, c'est l'histoire d'une gang qui se font kidnapper, qui se font emmener dans une espèce de labyrinthe, puis ils ont 12 heures pour s'en sortir. Puis ils vont se faire courir après, torturer, battre, tout le kit. Ils ont 12 heures pour s'en sortir. C'est tout. Puis là, ben c'est juste des personnages qui s'attaquent à coups de chaîne, ça. C'est souvent ce que j'aime. C'est souvent l'arroseur arrosé. Ça arrive souvent que les kidnappés prennent le dessus sur le kidnappeur, puis là, que le kidnappeur pleure sa vie. Il fait souvent ça dans ses films, cette espèce de retournement-là. Et moi, j'aime ça parce que, je sais pas, j'haïs tout le monde dans ses films. Tous ces personnages, je les déteste, puis je les aime en même temps. Fait que j'adore énormément 31. C'est un retour aux sources, et je suis tellement contente de me l'avoir fait offrir. Je le garde sur mon iTunes proche. Cool. Pour ceux qui aiment Rob Zombie, et particulièrement Devil's Reject, le fossoyeur de film, ce YouTuber qu'on aime beaucoup, a fait son dernier épisode sur Devil's Reject et c'est une belle lettre d'amour à ce style-là, à ce Rob Zombie-là qu'on aime. Donc, allez jeter un œil, ça vaut vraiment la peine. Que vous pensez du prequel à Devil's Reject qui était annoncé? Mais c'est j'ai pas lu les détails. Là. Non, je sais pas. Détails, puis c'est ça que je me suis demandé. T'sais, c'est un prequel à Devil's Reject, mais House of a Thousand Corpses n'est pas déjà un peu. Fait que je suis comme un peu mêlée dans cette timeline-là. Fait que je vais attendre. Ça se passe entre les deux, peut-être. Mais non, vraiment, Devil's Reject commence pas genre au moment où House of a Thousand Corpses finit. Je m'en souviens pas. Ouais, ça finit après. Ça continue après House. Ouais. Le seul problème, c'est vraiment le changement des acteurs pour certains personnages qui peut être un peu problématique parce que c'est une suite directe avec des personnages. Pareil, mais des acteurs différents. Mais je sais pas, toi, GF, tu dois pas être un grand fan de ce Rob Zombie-là. Tu dois pas être ton J'ai juste vu les deux premiers, puis j'ai lâché Rob Zombie. C'était pas mon genre de film, c'est ça. Du tout. Fait qu'on est vraiment là-dedans. C'est pas, ça serait pas ça que t'aimerais, toi. C'est pas j'ai beaucoup aimé The Devil's Rejects, en fait. J'ai beaucoup aimé ça, mais j'ai pas aimé House. Puis, tu sais, les Halloween, ça m'intéressait pas. Puis à ce moment-là, j'avais lâché, puis j'ai pas rembarqué avec Lord of Salem. T'avais pas fait l'épisode avec nous pour Lord of Salem? C'est tellement loin, Lord of Salem, parce que moi, ouais, je t'habitue. Ouais. Mais j'ai aimé ça. J'ai vraiment aimé où s'y amener ces personnages. Où s'y amener aussi ces acteurs qu'on connaît. Il est allé rechercher des acteurs qu'il fait jouer tout le temps, dont sa femme, puis il les a amenés ailleurs. J'ai vraiment aimé. Pour vrai, j'ai vraiment aimé 31. C'est un film gore. C'est pas un film que t'écoutes en soupant, là. Mais c'est bon. Très bien content. Jour 16. Loup-garou. Moi, j'ai vu Animals Dream. Ah, c'est vrai! Est-ce que je suis le seul? Ben, moi, j'en avais déjà parlé dans un des épisodes d'Horror Gamer. Je pense que c'était même durant les 31 jours d'une année. Ça se peut, ça me rappelle qu'on en ait déjà glissé un mot. Ouais. Surprenant comme film. C'est complètement différent de ce qu'on s'attend d'un film de loup-garou. Film danois. Et, ouais. Écoute, ça raconte l'histoire de Marie, une jeune fille qui commence son premier travail. Là, tranquillement, elle va commencer à s'émanciper. Mais elle habite encore chez ses parents. Et sa mère est genre catatonique. Là, elle est dans sa chaise, puis chaise roulante, puis elle parle pas, elle réagit pas. Et à un moment donné, elle va finir par se rendre compte que c'est peut-être les médicaments qu'il donne à sa mère qui font ça. Et elle-même va commencer à se dire, voyons, j'ai... ma, ma, je commence à changer, genre à du poil qui pousse à des drôles de places. Son médecin commence à l'observer de plus en plus, comme s'il craignait quelque chose. Donc on se dit, oups, il y a l'air d'avoir un lien entre elle et sa mère. Et, ben écoute, c'est sous la thématique des loups-garous, donc je vous cacherai pas qu'il y a un loup-garou à maner là-dedans. Mais bon, j'ai vu ça, c'est comme un ginger snap, mais vraiment encore plus à côté de la traque. Là. Quand je veux dire ginger snap, c'est genre on utilise le loup-garou pour passer un message, puis pour parler de la puberté, whatever. Puis c'est excessivement mollo comme film, si vous voulez de l'action, si vous voulez la transformation incroyable, vous allez rien avoir là-dedans. Là. C'est vraiment... C'est un film de répertoire avec un loup-garou à travers ça. Ça m'a beaucoup fait penser à The Let One In, mais version loup-garou. Let the Right One In, ouais, exact. Ouais, c'est très atmosphérique. Puis l'endroit où ça a été tourné, c'est vraiment sur une petite île. Je me souviens plus du nom de l'endroit. Mais ça apporte tellement d'atmosphère. C'est fantastique. Là. Genre de petits villages pêcheurs où que tout le monde se connaît. Donc, ouais. Ça donne vraiment une ambiance spéciale, en effet. Mais moi, j'ai bien aimé ça. Un moment donné, j'étais pas sûr si j'étais en train de triper, puis non, vraiment, le film a fini par m'accrocher, puis qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, les commentaires à Sylvain, je pense. Non, je le vois pas. Non, c'était vraiment, j'étais même pas sûr de triper. Tu sais, c'était ce feeling de, j'étais même pas sûr de triper, mais finalement, je tripais. Ouais. C'est ça, regarde, quand tu le vis en perspective, c'est quand même drôle. Non, c'est ça, à un moment donné, j'étais comme, ouais, je tripe-tu, mais je me force, mais non, j'avais vraiment du fun. Tu sais, Mané, tu te dis, je suis en train juste de faire en sorte que je m'emmerde pas pendant mon film. Non, le film m'a accroché, j'ai bien aimé. La finale était peut-être un peu molle, mais sinon, vraiment tout son développement, jusque c'est ça. Ouais, peut-être jusqu'au troisième acte, là, c'était sans faute. Est-ce qu'on le trouve sur Netflix ou Shudder? Oui, Netflix, si je ne me trompe pas. Ouais. Sinon, il est facile à trouver en DVD. Ben écoute, je l'ai vu une fois, puis c'est vague dans ma tête, mais c'est un film que j'avais beaucoup aimé aussi parce qu'il lançait plusieurs messages en même temps, puis c'était un film très féministe. Là. C'était le fun de voir comment les personnages féminins sont traités là-dedans, quasiment comme à l'époque de Frankenstein. À un moment donné, les villageois qui arrivent avec des fourches, là, c'est vraiment comme une espèce d'adaptation moderne, mais qui semble ancrée encore dans une autre époque. Oui. Puis moi avec, je pense que c'est le troisième acte sur le bateau qui m'avait laissé un petit peu perplexe parce que je trouvais que ça manquait de passion dans les scènes d'horreur, contrairement au restant qui est plus dramatique. Enfin, j'ai l'impression que le réalisateur quasiment a fait ça pour combler un peu le genre. Là. J'avais trouvé ça dommage, mais le restant, l'actrice principale était vraiment bonne. Fait que je trouvais que c'était un bon film. Là. Sur Shudder. Shudder, okay. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est quoi le titre déjà? When Animals Dream. Oui, j'en entends. Donc, à moins que quelqu'un d'autre voulait jaser d'un film de loup-garou, on va passer au prochain. Mais juste, je veux 2 secondes pour juste dire que moi, j'avais mis le loup-garou de Paris parce que je l'ai jamais revu depuis que j'étais jeune, puis j'avais écouté ce film-là comme 125 fois, puis il est vraiment plus dur à trouver que je pensais. Oui, c'est carré. En fait, je m'attendais à le trouver super facilement, finalement, pas en tout. Que... Moi, j'ai trouvé dans une bin. Oui, c'est ça. Je dois l'avoir vu souvent, mais je l'ai jamais acheté. Puis là, j'étais comme, hey, je vais mettre ça, ça me tente de le revoir. Puis j'ai comme, fuck, je le trouve pas. Là, ça, je l'avais trouvé dans une bin pour 2$. J'étais comme, mon Dieu, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas revu. Puis quand je l'ai écouté, je me suis dit, je peux-tu le remettre dans la bin? Écoute, la seule bonne chose, moi, je dirais la seule bonne chose qui est ressortie de ce film-là, c'est l'auto-reprise de la toune Mouth par Bush. Ouais. Ils reprennent eux-mêmes leur toune Mouth. C'est la meilleure version. Mais moi, j'ai des bons souvenirs de ce film-là. Oh, God. Je sais que les loups-garous sont full en CGI mal faites, là. Ça, je m'en souviens aussi, Bam. Puis c'est mais faut que je le revoie. C'est même pas juste un... Moi aussi, je me dis, à la limite, c'est juste le CGI de loup-garou qui est raté et qui fonctionne pas, mais c'est vraiment tout, là, l'histoire. Puis les deux acteurs principaux, Tom Skerritt, je crois, et... Tom Everett, ouais, puis l'autre fille de Before Sunrise, ouais, qui est vraiment bonne. Elle est bonne dans le film, les deux acteurs, j'enlève rien. C'est juste que le scénario, c'est vraiment un remake de la version de l'ombre à Paris avec un humour noir qui fonctionne pas en tout. Tu ris jamais, c'est juste malaisant, c'est vraiment raté. Là. Exactement, tu sais. Moi, je À l'époque, j'étais jeune, fait que j'ai vu Loup-garou de Paris avant Loup-garou de Londres. Je comprenais aussi, pourquoi il essayait d'être drôle. T'sais, parce que j'étais comme, voyons, mais c'est pas drôle. Puis après ça, quand j'ai vu Loup-garou de Londres, j'ai fait, ah, c'est drôle, tu sais. Il était pas obligé de me justifier pourquoi que c'était drôle, c'était juste drôle. Tandis que quand tu vois un film, on dirait que Loup-garou de Paris, ils se sont forcés à être drôles juste parce que, ben, Loup-garou de Londres était drôle, fait que d'autres aussi, là. Faut dire merci à John Landis aussi parce qu'il maîtrise parfaitement l'humour, lui. Ouais, exactement. Je sais pas c'est qui avait réalisé ça. Anthony Waller. Je sais pas s'il a fait grand chose, mais moi, ça me dit rien. Je regarde vite comme ça là, sur IMDb et il n'y a pas grand chose. Non. Fait qu'écoute, mais non, Vicky, cherche pas. Fais juste réécouter la toune de Bush. Il doit avoir un vidéoclip, là, puis ça doit être des images du film. Ça doit être des images du film, fait que contente-toi de ce qu'ils vont te donner. Ok, jour 17, post-apocalyptique. Je sais pas pour vous autres. C'est là que tu nous parles de Threads, là. J'ai écouté. Ouais, c'est vrai, là. J'ai enfin écouté Threads. Est-ce que. Je sais que Jeff m'en a parlé, je pense que ça fait depuis qu'on est à l'université que tu m'en parles. Hey, c'est quoi ce film-là? Steven, tu connais-tu? Je connais, mais je l'ai jamais vu parce que moi, on dit que c'est dur à trouver. Jeff, je te laisse en parler, c'est... si tu connais plus que moi. Ouais, ben c'est un film britannique sorti genre en 84. Il y a eu une période de films où il sortait beaucoup de films sur le nucléaire, comme The Day After aux États-Unis, Le Dernier Testament, quelque chose comme ça. Ouais. Puis celui-là, Threads. Mais Threads, il est fait comme un faux documentaire. Tu as des personnages. Là. Ouais, c'est ça, c'est la BBC. Tu as une narration, mais de style. Pas une narration, mais tu as des passes qui font très, très documentaire, puis tu as des passes qui font un peu fiction. Tu as des personnages aussi. C'est pas un documentaire, mais tu as des personnages. Puis ça raconte l'histoire, en fait, d'une petite ville en Angleterre. Je pense que c'est Sheffield ou chose comme ça, un petit village ouvrier qui va être. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'une bombe. C'est tout ce qui vient avant, genre quelques semaines avant, après ça, quelques jours avant, le jour de la bombe nucléaire tombe sur genre à quelques kilomètres ou quelques centaines de kilomètres de là, puis les répercussions sur le village, sur une période, ça va jusqu'à 10 ans, si je ne me trompe pas. Ça va loin dans le futur. Mais c'est noir, puis sombre, puis déprimant, puis angoissant comme film. Moi, j'étais dans vingtaine, là, puis j'avais pas d'enfant, rien, puis j'étais comme... My God, j'ai tellement pas envie de vivre ça parce que c'est fait de manière très clinique, très scientifique, tu sais, puis avec des faits, puis tout. Puis ça dit jour 30, telle affaire se passe. Jour 50 après la bombe, telle affaire se passe. Jour 70 après la bombe, telle affaire se passe. Tu sais. 2 ans après la bombe, telle affaire se passe. Puis tu vois les gens qui vivent, mais qui reviennent à un style quasiment médiéval, à un type d'agriculture médiévale quasiment, puis c'est comme My God, que t'as pas envie de vivre ça pendant tout. Ça m'a tellement fait peur, beaucoup plus que The Day After, le film américain, qui était quand même très bon, beaucoup plus que Le Testament, n'importe quel autre film que j'ai vu. T'sais, quelque chose qui s'en rapprocherait un peu, qui serait triste. On a vu When the Wind Blows l'année passée, au début de cette année, qui était déprimant, mais c'est pas aussi déprimant que ça. Là, mais ça montrait quand même des effets après le nucléaire, mais je trouve que Threads est encore le meilleur, selon moi. Là, je n'ai pas vu tant que ça non plus, mais je trouve que celui-là... En tout cas, je ne l'ai pas revu depuis longtemps, mais il est tellement efficace. Puis j'ai vu quelqu'un commenter, je pense, sur la publication à Sébastien pour dire que ça aussi, ça l'avait déprimé. Je suis comme, OK, je ne suis pas tout seul. Là. C'est un film vraiment déprimant. Là. OK, fait que maintenant, mon avis... T'es déprimé? C'est déprimant. C'est tellement déprimant. Puis à ce que tes parents, je suppose que tes pères, je suppose que ça doit être... Maintenant que tes pères, ce film-là doit être déchirant. Là. Écoute, parce qu'à un moment donné, parce qu'il y a une femme enceinte dans le film, d'un personnage. Regarde. La femme enceinte, là, j'ai braillé. Là. À un moment donné, là, c'était comme... Là, c'est comme si le film faisait comme... t'as la pile de la dépression. Là. Puis là, il en mettait sa pile, puis il en mettait sa pile, puis il en mettait sa pile. Puis à un moment donné, il y a une scène, j'ai comme fait... Là, ça n'a plus de bon sens. Et là, ça a coulé. Là. Puis j'étais comme... Arrête, ça n'a pas de sens. Puis il restait encore au moins une demi-heure. Mais... C'est parce qu'on parle de Trump puis de Kim Jong-un, Kim Jong-il, je veux dire, puis on parle de la peur du nucléaire qui revient pas mal comme c'était dans les années 80 avec, cette peur-là est toujours là, puis tu regardes ce film-là, puis tu fais, fuck, j'ai vraiment... J'espère que je vais jamais vivre ça de mon vivant, là. Une situation de même. Là. Parce que c'est de même que ça va se passer. Comme c'est dans ça, le film. C'est exactement j'y crois, là. J'y crois, c'est... à ce film-là. C'est ça, c'est pas du Roland Emmerich, là. Il n'y a pas d'exagération, là. C'est vraiment, tu regardes, tu fais, ah, c'est, ouais, là, c'est ça, la température va baisser, on n'aura plus de bouffe, les animaux vont mourir, là, les animaux vont être des morts. Des plaies qui apparaissent partout, toutes sortes de maladies, toutes sortes d'affaires. Ouais, c'est ça. Là, tu te dis à la fin du film, tu dis, j'espère que si ça arrive, je meurs sous le coup. C'est carrément ça, là, c'est carrément plus chanceux. Ceux qui sont morts sur le coup sont plus chanceux. Ah oui. Écoute, t'as les deux parents qui cherchent leur fils, puis à un moment donné, quand ils le trouvent, tout ce qu'ils trouvent, c'est deux jambes qui dépassent des débris, puis ils sont pas capables de le sortir de là. Puis t'as le père qui braille en disant à sa femme, tout ce que je voulais, c'était le voir son visage une dernière fois. Puis t'es comme, tabarnak! Mais tu sais, là, ça n'a pas de sens, ça. Tu sais, les images sont pas toujours parfaites, là. Ça reste que ça n'a pas un budget énorme, puis... T'sais, les images d'explosion, c'est pas toujours super hot, mais tu t'en fous parce que le cœur du film, c'est la crédibilité, puis c'est à 100%. Tout est à 100% dans la crédibilité, puis dans les prévisions qu'il donne. Ouais, y a pas tu d'acteur vois pas comment connu, ça pourrait rien, tourner mais... autrement. Puis ça rajoute. Le fait qu'il n'y ait pas d'acteur connu, ça rajoute au style documentaire, à la crédibilité de tout ça. Ouais. Tu sais, c'est pas, tu le sais que c'est pas un documentaire, tu sais que c'est des personnages, mais ça reste que tu suis ces gens-là comme si c'était des vraies personnes, comme si c'était du vrai monde dans la vraie vie, puis là, ça leur arrive. Ça leur arrive, puis tu fais « fuck, si. Ça pourrait être nous autres, là. » Des enfants qui vont voler un morceau de pain à un monsieur, puis le monsieur, il en shoot un des trois, tu sais, puis les deux autres, ils réagissent pas, ils font juste continuer à se sauver avec le morceau de pain, puis après ça, ils se battent pour l'avoir, puis t'es comme « garde, là, c'est... » Je vais me dire comme toi, JF, c'est le genre de film parce que tu dis, je vais être exactement où elle va tomber. Je veux la voir me rentrer dans la face, tu sais, là. C'est tout ce que je veux qu'il se passe. Fait que c'est ça, Threads, pour vous faire une vraie peur du nucléaire, puis vous rendre compte à quel point que là, présentement, on dirait qu'on rit de tout ça, là, avec Trump et la Corée du Nord, là, mais s'il fallait qu'il se passe quelque chose, on rirait beaucoup moins. Parce que ceux qui ont vu... Ceux qui ont vu, mettons, en 83-84 The Day After, ce film-là, oui. Un film américain, tu sais, t'as quand même Steve Guttenberg. Tu peux pas être déprimé à la fin dans un film qui a Steve Guttenberg, là, tu sais. Il y a quand même des bons sentiments dans le film, tu sais. Ou Testament, qui était quand même. C'était noir parce qu'il y avait des enfants là-dedans impliqués, mais c'était ouais, mais. Il y a un petit espoir, je pense, non? Pas tant que ça, moi. Je me souviens vaguement, ouais. Je l'ai jamais vu. En tout cas, mais c'est ça. S'il y a d'autres personnes qui l'ont vu, je serais curieux de savoir c'est quoi qu'ils en pensent. Moi aussi, mais c'est dur à trouver. Me déprimer juste à vous entendre en parler. Fait que ça part. Ah, God, c'est épouvantable. Il y a vraiment des scènes crève-cœur. Puis tu sais, c'est pas toujours... Le seul défaut que je dirais, c'est que c'est pas toujours facile à suivre. Avec ce qui se passe avec les personnages, parce que t'as beaucoup de sauts dans le temps. Là. T'sais, un moment donné, il n'y a plus d'histoire vraiment. C'est plus. Même que les personnages principaux finissent comme par plus être des personnages. Là. C'est. Voici maintenant la civilisation. Donc, on va te montrer des images de moments qui se produisent. Ouais, c'est ça. Du monde qui essaie de rentrer dans des camps de réfugiés, mais que l'armée veut pas les laisser rentrer. Ça fait de même. Est-ce que c'est un film choral? Non, même pas. Je sais plus. Ben, il y a beaucoup de personnages, mais tu suis quand. Ben, vas-y, tu l'as vu récemment, là. Ben non, c'est vraiment. C'est un film avec des images. c'est vraiment. Non, mais vraiment, mais c'est parce qu'il y a tellement pas de trame narrative que tu peux même pas dire que c'est un film choral. Tu suis des personnages dans des situations que les scénaristes se sont dit, ben, ça va nous montrer quand même tous les aspects de la chose. T'as des militaires dans un bunker, t'as des parents qui cherchent leur fils, t'as le couple qui était. Elle était enceinte, puis eux autres sont séparés, je pense, par l'histoire de la bombe. Là, ils ont la misère à se retrouver. Puis t'as toutes ces différentes affaires pour illustrer un peu toutes les strates de la société, je pense. Ouais, un peu, c'est ça. Mais tu sais, rien pour dire que. Un tel, c'est le père d'un tel, puis que lui, il y a un lien avec lui, puis que, tu sais, on va se retrouver à un moment donné. Non, ça... Il n'y a rien de tout ça, là. ça n'a pas la forme d'un film choral. On va passer à autre chose avant que ce soit trop déprimant. Film bizarre, ça c'est une journée que j'ai skippé. Vous autres, film bizarre, vous aviez mis... Ouais. On avait mis Detention, on avait mis Creep, Tetsuo, Eraserhead et Tag. Moi, je devais avoir Eraserhead, que je n'ai toujours pas revu, mais un jour, non, je vais revoir. Non, c'est moi qui ai mis Eraserhead. Toi, t'avais mis Tag. Je sais pas. Tu l'as pas eu sur une liste. Je l'ai pas sur des listes. Puis, c'est quoi l'autre, les autres films bizarres? Tetsuo, Creep et Detention. Tetsuo, ouais, c'était Creep. Toi, Steven? Ouais, ouais. Mais Creep, vous avez pas mal tous trippé, hein? Je pense qu'il y a vraiment une bonne vibe. Moi, j'ai pas tant aimé. Le fan footage? Ouais. Pas, Honnêtement, j'ai capoté ce film-là. Puis là, le 2 est sur iTunes en ce moment. Ouais. Puis j'ai juste hâte d'aller le voir. Là. Moi aussi, j'ai vraiment hâte au 2. C'est quoi qui vous a fait triper sur ce film-là? Parce que moi, j'ai pas tant accroché. Vraiment, Marc Duplass. Ben, Marc Duplass, mais tout le concept. Puis encore une fois, oui, Marc Duplass, parce qu'il joue terriblement bien, mais parce que c'est bien écrit, je trouve, dans l'enchaînement des choses. Puis il s'amuse à utiliser des clichés du fan footage, puis à comme les exploiter différemment. Fait que je trouve que c'est un genre de fan footage rafraîchissant. Mais okay. Moi, j'ai trouvé que... Oui, aussi, exactement ça, mais j'ai trouvé que dans Creep, tu ne sais jamais les intentions du gars. Il est creep, mais tu sais pas. Il est-tu dangereux? Il est-tu juste bizarre? C'est-tu un gars qui manque d'attention? C'est-tu un cinglé? On le sait pas, tu sais. Fait que moi, tout le long, j'étais comme... Va-t'en. OK, non, va-t'en pas. Là, c'est pas si pire que ça. Oh non, qui crisse ton camp. Okay. Non, là, t'es dans... Tu sais, c'est... Le film jouait même avec moi par rapport à mon interprétation de ce que ce gars-là avait derrière la tête. Il arrive à être malaisant avec pas grand-chose. Moi, la scène du bain où il fait semblant comme de prendre son bain avec son enfant, j'étais comme autant malaisé que le personnage qui filme. Ou même chose quand il met le masque de loup-garou qui s'appelle... je me rappelle plus le... C'est bon, vous m'avez convaincu parce que je pense que j'ai mis le doigt sur mon problème en écoutant ce film-là. Okay, c'est bon. Good. Mais Tetsuo, alors. Écoute, on avait fait un épisode sur Tetsuo. Oui, ça c'est bon. Mais Seb, apparemment que le deuxième est meilleur. Creep. Fait que c'est le fun à savoir. Ben écoute, j'ai vu la critique sur Horreur Québec. Il avait donné quelque chose de moyen, donc j'ai hâte de voir. Là. Moi, j'ai confiance. Good! Moi, je voulais terminer Eraserhead parce que j'ai jamais terminé Eraserhead. Finalement, je ne l'ai pas fait. C'était... Ah oui, le jour 18, si je ne me trompe pas, c'était... c'est que j'ai écouté Threads en deux parties. J'ai fini Threads le jour 18, puis après ça, j'étais supposé de me commencer un film bizarre. Et j'ai fait comme, fuck you, film bizarre! Mais j'écoute non, rien. C'est ça. J'écoute rien. En plus que c'était la journée de tout le scandale, Éric Salveille, Gilbert Rozon, etc. Puis là, j'étais comme... Ah. J'étais la comme journée déprimé. La journée était bizarre. C'était déprimant. J'ai vu Thread. J'ai comme fait, regarde, la vie c'est de la merde. Le monde c'est tout des trous de cul. Ah, nice. On va jouer à Witcher 3. Okay. Ouais! Fait que là, on continue avec le jour 19. Infirmière. Moi, j'ai. Ben, écoute, Vicky, infirmière, t'avais juste quelque chose à nous dire. Oui, j'ai vu Freddy 3. Écoute, il y a une infirmière au gros tonton. Hey, ben ouais. Je peux vous dire, on a beaucoup de Français, hein, puis beaucoup de gens internationaux. Je veux vos commentaires sur le chat, s'il y en a qui nous écoutent présentement, ou plus tard, écrivez-nous en Raw Gamer. Je suis redevenue une des administratrices, j'ai plus le temps, puis je vais vous lire. Je veux savoir si vous aimez les Freddy. Parce que, pour vrai, j'avais une gang de quatre étudiants internationaux qui, je crois, venaient de France. Je leur ai pas demandé, pour être franche, là, mais il y avait un accent qui me semblait être un accent français. Et ils ne connaissaient pas du tout Freddy. Pas du tout. Ils ne savaient pas c'était qui. Et Freddy 3, pour eux autres, ils étaient totalement hermétiques à l'histoire. Ils ont haï ça pour mourir. Ils n'ont rien compris. Ils ne savaient pas c'était quoi. Ils ne savaient pas c'était qui. Ils ne comprenaient pas le trip. Ils ne comprenaient pas l'humour. Bref, c'est un gros zéro pour eux. Et on a des gens à l'international qui nous écoutent. Écrivez-moi, connaissez-vous Freddy? Tripez-vous sur Freddy? Je veux le savoir. Là, c'est une gang d'incultes. Il était non, jeune. Mais je veux dire. Est-ce qu'ils étaient jeunes et est-ce qu'ils étaient amateurs de films d'horreur? C'est ça l'affaire. Je sais pas s'ils sont amateurs de films d'horreur, mais quand même, ils se déplacent dans un bistrot en marathon de films d'horreur. Donc, je me dis, il y a de l'intérêt. Et il y avait à peu près mon âge, peut-être quelques-uns un peu plus jeunes que moi, là, mais c'est entre 25 et 30. Là. Je me dis que si tu commences par le 3 et tu n'as jamais vu aucun Freddy, c'est normal qu'il soit peut-être un petit peu mélangé dans l'histoire et la mythologie. Là. Mais tu as juste besoin d'avoir vu le premier. Mais c'est pas surprenant parce que la plupart des jeunes aujourd'hui connaissent pas Freddy, connaissent pas Jason, connaissent pas Michael Myers. Fait que je veux dire, c'est une question de génération. Là, la génération d'aujourd'hui n'a pas l'instinct naturel d'aller écouter des vieux films d'horreur des années 80 sans vouloir les englober au complet. Mais tu sais, à chaque fois que je demande à un jeune, est-ce que tu connais ces personnages-là, ils me disent non, pas pantoute. Fait que ça me surprend de moins en moins, on dirait. Mais toi, tu parles de 25 en descendant. Ouais, genre. Mais des fois, ils les connaissent, mais ils n'ont pas le goût de voir ces vieux films-là. Oui, ça se peut. Mais pour vrai, là, ils ne savaient pas c'était qui Freddy du tout. Et je me suis dit, peut-être que c'est une question de culture aussi, là. Ah, mais en tout cas... Mais c'est pour ça que je veux le savoir. Oh, ça se peut que j'aille totalement tort, là. Ça se peut que j'aille tort à 100%. Mais j'aimerais ça juste parce que je me suis posé la question de comment ça, ils ne savent pas du tout c'est qui Freddy, là. Ben, c'est facile pour nous parce qu'on a grandi avec ça, tandis qu'un jeune d'aujourd'hui ne grandit pas forcément avec les films des années 80. Il y a mon âge, Steven. Ah, il y a ton âge? Ben... Oui, il y avait mon âge. Je te dis, ben, il y avait 25, entre 25 et 30. Peut-être que le cinéma d'horreur les intéressait juste pas à l'époque. Parce qu'ils ont entre 25 et 30, mais ils ne viennent pas de l'Amérique du Nord. Donc, il est là le paradoxe. Peut-être. On verra. Allez, répondez-nous. Pendant ce temps-là, moi, je vais vous dire que j'ai vu Fragile. Homie Balaguero, c'est un des films. J'aime ça quand tu le dis, ça. J'aime ça quand je dis Homie Balaguero. Hein? Blablabla. Ah ouais. Balaguero. C'est un des films de sa filmo que j'avais pas encore vu. Qui met en vedette Calista Flockhart, notre chère Ally McBeal, qui joue le rôle d'une infirmière de nuit qui s'en va travailler dans un hôpital où il reste presque plus personne. Il reste seulement les enfants parce qu'ils sont en train de transférer tout le monde vers un nouvel hôpital. Et il reste seulement les enfants. Et elle va se rendre compte qu'il y a une entité bizarre, soit d'un autre enfant, d'une ancienne infirmière, on ne sait pas trop, qui voudrait peut-être pas que les enfants partent. J'ai eu beaucoup de difficultés à accrocher dans ce film-là. Toi, Sylvain, okay. Tu le connais, hein? Je le connais, mais je l'ai vu une fois. Fait que, tu sais, c'est pas un film du réalisateur que je connais par cœur. Là. J'ai eu beaucoup de difficultés à tenir ce film-là. Je reconnais le talent quand même de Balaguero. Et on reconnaît le style. Homie Balaguero, c'est un Espagnol. C'est ça, oui. Oui, ben oui, c'est lui ça. Qui a fait Wreck. Oui, c'est ça, c'est un espagnol. On reconnaît le style espagnol du film d'horreur. On reconnaît son style même de un petit peu dans Sleep Tight. On reconnaît le film d'horreur qui essaye aussi d'être un drame, un peu à travers tout ça. Mais j'ai trouvé le film très confus par moments. Et... contrairement à ses autres films, c'est très surprenant, ses scènes de tension sont plus ou moins efficaces, j'ai trouvé. Il y a des scènes qui sont vraiment tripantes, mais toute sa finale, même déjà, est pas efficace. C'est comme, hein, ouais, ok, hop, ça se finit, c'est bon. Mais il y a quelques moments qui sont vraiment tripants, puis c'est les moments qui n'ont pas d'effet. C'est les, ou presque pas, tu sais. Cet esprit-là brise les enfants. Lui casse les jambes. Tu sais, fait qu'il y a une scène où t'as un enfant qui est en train de faire un radio X. Un rayon X. Radio X. Ah. Ici, radio X. L'enfant est à radio X. Il est en train de se faire passer un rayon X parce que sa jambe a cassé en plein milieu de la nuit sans qu'il sache pourquoi. Puis au moment où ils prennent la photo avec le rayon X, sa jambe recasse, tu sais. Fait que là, t'es comme « Fuck, c'est bien hardcore, c'est vraiment débile. » Fait que il y a une couple de scènes de même que j'étais comme « Ok, là, il touche à quoi? » Mais par moment, son esprit, ou en tout cas, l'entité qui est là, arrive pas à être menaçante autant que, justement, je peux casser la jambe d'un enfant n'importe quand, alors qu'à d'autres moments, c'est j'avance lentement vers toi, puis là, t'es comme, oh, come on, tu sais. Ben, il y a un côté très G-Hour, parce que c'était la vague aussi en même temps à cette époque-là. Très, très. Toi, Steven, t'avais-tu aimé? J'en gardais un bon souvenir sans que ça me marque comme les autres films de Homie. T'sais, surtout quand on le découvre avec Wreck puis Sleep Tight. T'arrives avec celui-là, c'est surtout qu'on a eu tellement de films du même genre que j'imagine qu'à l'époque, peut-être que le film faisait une petite bouffée de fraîcheur dans le drame horrifique, mais là, je veux dire, c'est plus vraiment nouveau. Là. Beaucoup de réalisateurs passent par là, puis j'ai l'impression que Fragile perd des points à cause des autres films. T'sais, il perd de son efficacité. Puis, mais dans mes souvenirs, le film... le réalisateur exploitait vraiment bien les décors, puis l'hôpital, puis il y avait quand même des bonnes scènes dans des vieux couloirs ou de ce que j'ai de mémoire. Là. Oui, oui, oui. Son setup est bon. Je te dirais quand même que j'ai préféré... Ah, j'essaie de le mettre comparé à The Nameless, la secte sans nom. Et The Nameless, j'ai d'abord trouvé la fin dégueulasse que... Je sais pas. J'ai quasiment aucun souvenir de The Nameless, fait que je pense que Fragile reste quand même meilleur. Mais c'est vraiment pas un incontournable là, dans la filmographie du type. Là. Allez voir ses Wreck puis son Sleep Tight avant. Là. Et même regardez-la encore une autre fois avant. Donc faut pas virer fou là-dessus. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit « Méchante horreur ça, Radio X ». Écoute. Ouais. Radio X, la radio qu'on vous fait écouter les jambes d'enfants qui brisent. Ah! Yark! Programmation pendant 2 heures. C'est ça, c'est invisible, fait que ça fait peur. Dans le studio tout seul, puis il me casse les jambes. Oh, God. Jour 20, film familial. Steven, est-ce que tu as finalement écouté Something Wicked This Way Comes? Non, je voulais le voir, je l'ai pas écouté. Bon. J'ai écouté Goosebumps. Je l'ai revu aussi. Tu l'as revu? Je l'ai revu, j'étais dans le monde, puis je l'ai mis à une soirée pour le fun. Écoute, c'est donc bien le fun. C'est ça, c'est le fun. C'est vraiment le fun comme film. Sérieusement. Au début, j'étais comme pas sûr, j'étais pas dedans pendant tout. Puis là, à un moment donné, j'ai fait non, regarde Sébastien. Recommence le film, je recommence du début. Installe-toi comme il faut, t'en vas voir un film familial. Là. C'est que on a tellement vu de films rough pis sérieux que là, j'étais comme c'est bien bébé. Non, regarde, Sébastien, c'est bébé, mais c'est un film pour enfants. C'est Goosebumps. C'est Goosebumps. Fait que j'ai comme je me suis comme remis dans le bon état d'esprit. Et là, sérieusement, j'ai trippé. Jack Black est vraiment débile là-dedans. C'est du Jack Black comme on l'aime. Les jokes sont bonnes. Le comic relief, le petit gars qui est le comic relief, il est le fun. Steven, ben regarde, vas-y, tu dis que tu l'as revu. Je pense que Steven l'avait trouvé tiède la première fois. Je veux te réécouter. Tu l'avais trouvé tiède, me semble. Moi? Comme... Ouais! Non, j'avais été le voir au cinéma, puis j'ai eu beaucoup de fun. Tu sais, faut se garder à l'esprit que c'est un film... De gros studios très formatés pour les jeunes, mais je veux dire, venant d'une série qui était déjà faite pour les jeunes, le film, je trouve que il y a beaucoup de clins d'œil vraiment agréables, mais par moments, je trouve que ça va vraiment dans le gros fun nostalgique. Tu sais, il y a une scène dans la cuisine avec des espèces de petits... des nains de jardin. Puis Kim, c'est pas loin d'un Gremlins. Là. Tu sais, ils utilisent le four pour le mettre dedans, puis tout ça d'objets. Puis, je trouve que le film est juste vraiment divertissant. Le gros fun de ça, c'est qu'à un moment donné, tu t'amuses à chercher toutes les créatures que tu as pu voir au courant de ta jeunesse dans la série. Puis il y en a tellement que malheureusement, la caméra ne prend pas la peine de toutes les exploiter. Mais je sais pas, tu sais, l'histoire est vraiment clichée, mais c'est juste que quand tu acceptes ça, tu as juste du gros fun. Les personnages sont attachants, puis tu as une sous-intrigue avec la voisine que moi j'ai trouvé agréable, qui est reliée aussi à la série, un genre de mini-twist que... Pour certains, c'était prévisible. Moi, je l'avais comme pas vu venir. Puis j'ai comme fait « OK, c'est cute ». Ouais, j'avais pas vu venir du tout. J'ai été surpris. C'était le fun. Le loup-garou dans le supermarché. C'est vraiment le fun. Non, sérieusement, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Je veux le revoir un moment donné. C'est sûr que ça va être dans la liste des films à revoir avec mon petit gars. Puis... Quand même, tu sens le genre de « on est dans la merde ». Tu sais, au début, j'étais comme « ah, il va y avoir quelques petits monstres qui vont être lâchés là ». Non, non, ça vire. Le chaos total, là, c'est vraiment le fun. quand j'étais voir ça, je me disais, ah, est-ce qu'on va revenir au film d'horreur familial à la Monster Squad? C'est vraiment ça que je voulais en avoir ça. Puis si le film n'atteint pas Monster Squad sur plusieurs aspects, dont la violence par moment, je trouve que Goosebumps était quand même un genre de bon pas vers la bonne direction pour trouver ce genre de divertissement-là familial. Fait que j'ai vraiment été content. Puis je trouve que Krampus, qui a suivi par la suite, était l'autre bon pas dans la bonne direction après en termes de film d'horreur familial. Oui, en effet. Krampus, il allait un petit peu plus dans cette violence-là qu'on avait dans... Monster Squad. Monster Squad, ouais. Merci. Je cherchais mon titre. Non, sérieusement, à mettre sur la liste, à écouter avec toute la petite famille. Puis même pas besoin d'avoir la petite famille. Vraiment, on est ensemble, puis on trippe. Même tout seul, j'ai eu beaucoup de plaisir. Avant qu'on passe à la pause, on y va avec la journée 21. Les scientifiques fous. Je regarde un peu ce que vous aviez mis. Moi, j'ai écouté The Invisible Man. J'avais jamais vu l'original de The Invisible Man. Et je me souviens plus c'est quelle année, 1938, c'est ça? Excuse-moi, il y a eu un bug. C'est la journée quoi, ça? La 21. Scientifique fou. Okay. 1952, pardon. J'étais quand même un peu optimiste. J'ai vu donc Invisible Man 1952. Aïe aïe, les effets dans ce film là sont bluffants. Est-ce que je suis seul à avoir vu l'original? Ouais, ça me dit rien. Je suis vraiment curieuse de t'écouter parler. Go. Jeff, est-ce que tu sais? C'est un que j'ai loupé. N'ai jamais vu. Non. Écoutez, pour ceux qui connaissent pas l'histoire d'Invisible Man, c'est l'histoire d'un scientifique qui invente une potion ou peu importe une formule qui a réussi à le rendre invisible. Et il va essayer de se re-rendre visible parce qu'il se dit que ça serait cool de pouvoir faire les deux, de se rendre invisible quand tu veux et visible lorsqu'il veut revenir visible. Sauf que il a utilisé un produit dans sa formule qui rend les gens fous. Ça rendait des animaux fous. C'est la première fois que ça a été utilisé sur un humain. Donc, il devient mégalomane, violent, mesquin. Et ben c'est ça, shit hits the fan. Fait que il décide, je vais dominer le monde, je suis invisible maintenant, je suis là pour mettre le chaos partout. Et il avec son rire diabolique. Ouais, avec son rire, son rire diabolique. Et vraiment, il met le chaos, il met la merde dans la place, il tue énormément de personnes. D'après moi, de tous les monstres de la Universal, c'est lui qui fait le plus gros kill count là. Il tue au-dessus d'une centaine de personnes dans le film. Évidemment, c'est pas des personnes qu'on voit mourir à l'écran. Mais, il fait dérailler des trains. Écoute, il y a du monde qui cherche parce qu'ils font des battues pour chercher l'homme invisible. Fait qu'ils se promènent avec des bâtons dans des champs. Tu sais, voir si l'homme invisible va se faire avoir par ça. Mais à un moment, il y a du monde qui le cherche, ils sont proches d'un ravin. Là. Il en pousse 4-5 en bas du ravin, un après l'autre. C'est comme tabarnage, voyons donc. À un moment donné, il va vraiment jusqu'à dire « Je suis invisible, je peux voler, tuer, violer. J'ai tous les pouvoirs. » Puis t'es comme tabarnage, OK. Fait que Kevin Bacon dans Hollow Man, c'était vraiment inspiré de ça dans le sens où il devient un gros trou de cul. Ouais, vraiment. Dans Hollow Man, je pense pas qu'il l'explique par un des produits. Je pense qu'ils font juste l'expliquer comme de quoi que tu deviens invisible, fait que tu deviens automatiquement un gros pervers. Un gros pervers, là, tu sais. Ça, l'affaire, c'est que le film a quand même mal vieilli sur certains trucs et c'est même pas pour son scénario, c'est pour ses acteurs. Excepté le personnage principal. Il n'y a pas beaucoup de bons acteurs dans ce film-là, mais vraiment pas. Là. Ça joue mauvais de chez mauvais avec un extra de mauvais. Là. C'est pas... Ça vole pas haut. Puis, quand les policiers essayent de le pogner, là... Oh, God! Que c'est ridicule, c'est ridicule. J'ai jamais vu des policiers aussi mauvais que ça, là, tu sais. Les policiers, ils savent, là, tu sais. Ils ont encerclé la maison de l'homme invisible, puis ils avancent tous ensemble, tu sais. Collez-vous pour pas. T'sais, tenez-vous la main pour pas vous. Pour pas qu'il passe entre vous autres. Puis là, il y en a un que sa casquette en revole, puis comme. Hein? Quoi? Ouh! C'est quoi ça? Puis t'es comme, voyons donc, esti, ta casquette envolée, il y a l'homme invisible, il est devant toi, puis genre, hey, il y a quelque chose qui m'a accroché à la jambe. Ben oui, c'est l'homme invisible, esti. Ben, voyez, que quoi? Fait que c'est vraiment mais, comme. Mais ils savent, là, qu'ils sont. Oui, oui. Ils savent que. Ah, ben là. Ils savent tout, ils s'en vont chercher l'homme invisible, là. C'est vraiment, là. Oh. Faites attention, c'est l'homme invisible, mais non. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Oh, il y a quelque chose qui m'agrippe la jambe. Hey, il y a quelqu'un qui est en train d'enlever mes pantalons. La manie, il est en train d'enlever les pantalons d'un des policiers, puis les autres, les policiers sont à côté, puis ils regardent, ils sont comme. Hein? What? Qu'est-ce que c'est ça? Vous voyez où ce qu'il est supposé d'être? Il tire sur des pantalons, vargé dans le vide, il est à peu près là. Fait que j'étais comme oh boy, tu sais, c'était pas trop crédible tout ça, mais ils se reprennent un peu vers la finale où ils te le pognent puis pas à peu près, mais les effets spéciaux, il y a Sylvain Desmentis qui le dit sur le chat, les effets spéciaux sont écœurants, sérieusement. Des fois c'est des trucs avec des cordes, des fois c'est des fonds verts, mais ça peut pas être des fonds verts à l'époque. Quand il enlève son bandage puis tout ça, Manny, il est juste en robe de chambre. Il est en pyjama, là. Fait que tu vois pas les mains, pas les pieds, pas la tête, puis il se couche dans son lit, tu sais. C'est vraiment écœurant. Il marche dans la neige. Fait que tout ce que tu vois, c'est des pas se faire dans la neige, tu sais. En 1952, sérieusement, c'est vraiment bien fait. Puis même encore aujourd'hui, il y a des effets là-dedans que je faisais. Comment qu'ils ont fait ça? Fait que, non, honnêtement, ça vaut la peine. Ça vaut la peine d'être vu, faut juste pas le prendre tout le temps au sérieux, puis faut pas en demander trop à ces acteurs. Mais pour l'histoire, pour l'intrigue, puis là, comment vont-ils le pogner, j'ai trouvé ça le fun. J'ai vraiment trouvé ça le fun. Puis pour aussi, tout ça, la violence un peu surprenante. Je m'invente un scénario dans ma tête, mais je dis, j'aimerais ça voir un genre de spin-off avec les policiers, là, de manière que tu es décrit. Là. Mais tu sais, un genre d'épisode un peu à la Kaamelott, où tu aurais le chef de police qui ferait un peu Arthur, tu sais, autour d'une table, tous les policiers, puis là, ils nous expliquent c'est quoi un homme invisible. Ils sont comme, ils comprennent pas le concept. Tu sais. Oui, mais il ressemble à quoi? Mais tu as carrément quasiment une scène de ça, là, où tu as le chef de la police qui est dans un bar, où il y a plein de témoins qui font comme tout. On a tous été témoins de l'homme invisible. Puis il fait. Vous êtes tous des menteurs! C'est tout faux! C'est comme, mais oui, non, man, ils sont à peu près 50 devant toi! Ils sont à peu près 50 à dire toutes des histoires différentes, tu sais. Il y en a qui racontent quelque chose. Ouais, mais tu penses pas que c'est peut-être ça? Ouais, mais tu penses pas que c'est peut-être ça? Ben voyons donc. Mais c'est sûr qu'en même temps, un homme invisible, c'est dur à avaler, là. Mais c'est vraiment du gros n'importe quoi. La police là-dedans, je pense que Abbott et Costello, comme ton autre homme invisible, ça aurait moins de l'air stupide. Je pense que c'est après avoir vu les policiers là-dedans qu'ils se sont dit, hey, Abbott et Costello contre les monstres, ça pourrait être. Donc, hey, on va se prendre une mini pause. On a quand même passé 7 jours des 31 jours d'horreur assez rapidement. On va y aller avec une chanson toujours suggérée par Guillaume Couture qui nous a fait une chanson par jour pour les 31 jours d'horreur. Et j'y vais avec la chanson de la journée numéro 22. Je prends toujours au hasard. J'ai pas souvenir de tout ce qui a été écouté. Et c'est The Cramps avec I Was a Teenage Werewolf. Puis on va se voir après. Hey, à la fin des épisodes, on dit tout le temps « garder ça horreur ». Comment est-ce qu'on fait pour garder ça horreur? Pour garder ça horreur, JF, il y a plusieurs moyens. Premièrement, sur iTunes, on peut donner 5 étoiles au podcast, en plus d'écrire un commentaire, comme ça, ça nous fait monter dans les recommandations. Ensuite, à la fin des billets sur notre site, on peut trouver un lien Amazon qui nous amène sur le site Amazon. Dès qu'on fait un achat, Horror Gamer reçoit une ristourne. Puis en plus, hey, c'est simple, tu peux juste en parler à tes amis puis dire à quel point Horror Gamer, c'est un podcast tellement cool. C'est quoi l'adresse du site? www.horrorgamer.ca. Fait que tout le monde, gardez ça horreur. Alors, on est de retour pour ce deuxième segment des 31 jours d'horreur. Donc, on y va avec la journée 22, gothique. Moi, personnellement, j'allais skipper cette journée-là. Vous autres, de votre côté, je pense qu'aussi. Oui, mais je veux revoir Sleepy Hollow. Fait que c'est dans ma liste. Moi, c'est comme celui de Tim Burton que je pense que... Je pense qu'il est dans mes favoris, mais ça fait trop longtemps pour dire moi que... Tout! Moi tout! Moi tout! Je suis pareil! On avait sinon... Ben moi, je m'étais mis Fall of the House of Usher, mais je l'ai pas revu, malheureusement. Toi, Steven, t'as mis The Hunting... Non, Black Sunday. Black Sunday, ouais, qui est comme un de mes Mario Bava préférés. Ouais. Donc, ça, c'était un que t'as... Ouais, c'est ça. Donc, ben, parle-nous-en d'abord. Je vais vous en un petit peu. Un petit peu. Ben, je ne l'ai pas vraiment revu, mais c'est un film qui se d'époque très gothique où que tu vas voir au début une sorcière, ben, une fille qui a été condamnée comme étant sorcière qui va se faire brûler, mais avant, elle va se faire installer une espèce de masque avec des pics sur la tête, puis plusieurs... plusieurs temps par la suite, elle va revenir sous forme de fantôme, puis elle va venir comme reprendre sa genre de revanche sur le petit village. Pas grand chose à dire, gars, c'est juste. Je m'excuse, Steven, oui. T'as pas un gars qu'il faut qu'il aille la surveiller à tous les nuits ou quelque chose comme ça? Mais il semble que oui. Puis, tu sais, si je me trompe pas, là, cette histoire-là, c'est vaguement inspiré de l'histoire russe Vie. Ouais, Vie. Ouais, hein? Ouais, effectivement, ouais. C'est ça, c'est la même histoire. Ben, c'est la même histoire, mais... Modification, mais oui. Modification, mais faite par Mario Bava, qui est un spécialiste des films gothiques et de l'ambiance. Moi, ce film-là me fait capoter. C'est en noir et blanc, mais son noir et blanc, comment il exploite ses images, la photographie, c'est tellement... C'est vraiment bon, puis l'ambiance est vraiment bonne. Je l'ai pas revu depuis, fait que je peux pas en parler plus qu'il faut. Fait que c'est juste un film que j'ai voulu conseiller aux gens qui étaient... peut-être en cours d'idée de films gothiques, parce qu'on a tendance à tout le temps aller vers les films de la Hammer, puis ben, à part les films de la Hammer, ben, y a d'autres films gothiques. Oui, Jeff, tu nous avais mis oui. de Black Cat. Oui, c'est vrai, oui. Non, Black Cat, c'est en 32, c'est avec Lugosi puis Karloff. Puis j'ai vu ça pour la première fois cette année, genre en février, en janvier. Il y a un de mes amis qui présentait ça dans un petit théâtre dans ma ville ici. Puis il présentait dans Dracula, celui-là. Puis il a présenté Freaks, une suite d'une série de films pendant quelques semaines. Un film à tous les semaines. Parce que celui-là, c'était une découverte pour moi. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Je trouvais ça dommage que personne ne le connaisse, personne n'en parle, parce que c'est vraiment, vraiment bon. Je trouvais ça meilleur que Dracula. Puis... Non, ça vaut à peine d'être vu. C'est un bon duel entre... Il me semble que c'est ça, c'est Karloff puis Lugosi, si je me souviens bien. Cool. C'est une adaptation de Edgar Allan Poe ou ça n'a juste aucun lien, ça? Ah, je me souviens pas des détails. Il faudrait que je fouille, mais tout ce que je sais, que j'ai vraiment aimé le film. J'ai plein d'images en tête. Ils sont dans une grande maison puis tout. Pis... Mais c'est ça, non, je me souviens pas des détails exactement si c'est une adaptation ou pas. Puis faudrait vérifier, là. Moi, j'ai trop chaud, j'enlève mon manteau. Je vais juste checker voir. Yeah! Donnez les détails. Dans 1934, Le Chat Noir, c'est Edgar G. Ulmer qui a fait aussi Détour plusieurs années plus tard, qui est un excellent film. Puis oui, c'est basé sur Edgar Allan Poe. C'est ça, c'est Boris Karloff, Bela Lugosi. Puis il n'y a pas de résumé dans la version française, mais non, ça va à peine d'être vu. Là. Je me souviens plus des détails, mais c'est vraiment intéressant. Good. Ben, on va passer à la journée 23. Ah, mais moi, c'est quoi j'avais proposé? Tu avais proposé Sleepy Hollow. Ah, ok. Je pensais donc, que c'était toi, c'est pour ça, excuse-moi, je pensais que c'était toi. Non, moi, c'était Fall of the House of Usher. Ok. Donc, extraterrestre pour la journée 23. Steven, on va y aller avec toi. Tu as revu Slumber Party Alien Abduction. Ouais, ben cette semaine, ça me tentait de revoir des films que j'ai pas eu la chance de revoir. Fait que je me suis dit, hey, j'ai envie de me retaper le segment de VHS 2, Slumber Party Alien Abduction de Jason Asner. réalisateur de Hobo with a Shotgun. Mm-hmm. Et en revoyant ce segment-là, que j'ai pas vu si souvent que ça, parce que c'est tout le temps le segment Safe Haven que je revoyais tout le temps, parce que c'est tellement de la bombe. C'est un des meilleurs segments dans les dernières années qu'on a eu dans une anthologie. Je m'ennuyais de revoir ça là. Puis quand je l'ai revu, je me suis dit, crime, il est où Jason Asner? Il est comme temps qu'il nous arrive avec un nouveau film, parce que non seulement Hobo with a Shotgun, c'est sans doute le meilleur film qui tente d'exploiter le cinéma greenhouse, mais comme il est fou au paroxysme, je veux dire, c'est comme c'est over the top, c'est tellement de la bombe. Puis je le vois avec son segment Slumber Party Alien, puis je suis comme, il a compris qu'est-ce qu'il faut faire dans un segment d'une anthologie, c'est cool, fait qu'il faut que tu fasses de quoi de condenser, de le fun, tu t'emmerdes pas, puis c'est ça qu'il fait en genre 25 minutes ou 30 minutes, même moins que ça, je crois, le segment n'est pas si long que ça. Tu suis un groupe de jeunes dans une maison, puis le genre de jeunes que tu t'attaches, que tu vois dans les films des années 80, ils ont toutes des personnalités propres à eux, un peu comme on a derrière moi avec les Stranger Things et It. Puis il y a une vibe tellement fun, nostalgique, qui plane là-dessus, parce que Jason Asner, c'est pas mal ça en gros, c'est un gars vraiment nostalgique des années 80. Puis je trouve qu'il arrive à faire un segment à la fois fun, drôle et effrayant. Là-dedans, t'as des plans qui peut durer une seconde, mais qui te marque la rétine. À un moment donné, ils sont en train de se baigner dans le lac, puis il y en a un qui va en dessous de l'eau avec sa GoPro sur la tête, puis tu vois pendant une seconde un visage d'extraterrestre qui nage avec eux, mais c'est tellement rapide que sur le coup, ça a un effet what the fuck que ça te bouleverse un peu. Mm-hmm. Puis tout le long, tout le restant du segment, lorsqu'il va arriver la nuit, tu vas avoir des bruits, des lumières vraiment intenses qui vont venir rendre le tout un peu insécure. Puis là, t'as des putain de bon jumpscare d'Alien qui arrive pour essayer de les kidnapper. Puis t'as une méchante bonne idée où ils ont pris une GoPro, ils ont mis ça sur un chien. Fait que par moment, t'es du point de vue du chien qui court partout et qui suit les jeunes. C'est fantastique. Je trouve que la tension est bien menée. Puis comme je dis, les personnages sont le fun à suivre. C'est un segment vraiment efficace. Puis ça m'a juste rappelé que Crime Jason Asner, c'est vraiment un réalisateur talentueux. Puis j'ai comme vraiment envie de le revoir de nouveau sur les rames, là, de le voir faire un nouveau film. Puis j'ai l'impression qu'il tourne de quoi. Mais il y a des trucs d'annoncer, mais rien de rien de concret. Fait que sinon, en attendant, mais gars, autant revoir en boucle Hobo puis ce segment-là, parce que ces deux films-là, je trouve que c'est de la bombe, là. Il y avait aussi un segment dans ABCs of Death, Y pour Young Buck, mais je m'en souviens pas assez. Mais pour vrai, Steven, ce que tu me dis là, c'est que tu écoutes VHS 2, mais par segment. Donc, tu écoutes parfois des anthologies, mais par segment. Globalement, c'est rare que je fais ça. Comme VHS 2, c'est un film que j'ai quand même revu une couple de fois, mais c'est à cause de Safe Haven. Safe Haven, c'est un segment que j'avais envie de revoir de temps en temps, juste nowhere, parce que j'avais envie de l'écouter. Puis là, pour la journée extraterrestre, j'ai juste pensé à celui-là. Puis je me suis dit, ben, même si c'est un segment, j'ai envie de le revoir. Tu sais, c'est quand même des histoires à part entière. Tu peux te permettre de les écouter juste un soir parce que tu as envie de l'écouter, là. C'est vraiment pas une attaque, mais pas du tout. C'est juste que ta première fois, j'entends quelqu'un qui dit, hey, moi, j'écoute un segment d'une anthologie. Tu sais, un court-métrage, mais dire, non, j'écoute un segment d'anthologie. Ben, j'ai souvent vu des listes de personnes qui se faisaient une soirée le 31 octobre avec qu'est-ce qu'ils vont écouter, puis ils débutaient la soirée, exemple, avec le segment de Trilogy of Terror avec la poupée. Puis j'étais comme, ouais, okay. C'est vrai, ça commence bien la soirée, fait que je crois que c'est peut-être un moyen de faire des entraques. Le Trilogy of Terror avec la poupée, c'est celui-là qu'on a vu, donc qui est sur YouTube. Ton VHS 2, est-ce que tu mets ton Blu-ray puis tu te rends à ce segment-là? Ben, c'est parce que tu peux les... Bon, s'attends-tu que c'est pas long avec le chapter, mets tout de suite le segment, c'est pas long, là. Ouais, non, mais c'est par curiosité de voir est-ce que tu vas le chercher en tant qu'extra ou tu vas, tu sais, vraiment, tu le pitons et c'est lui, je veux voir. C'est juste ça, par curiosité. Oh, ouais, je vais dans le chapitre puis je prendrai comme le segment que ça. Nice. Un des trucs qu'a fait le plus récemment Jason Eisner, Steven, c'est qu'il a joué dans Turbo Kid. Ouais, je m'en rappelle. Mais non, écoute, moi, tu vois, ce segment-là, c'était un qui m'avait le plus déçu dans VHS 2, mais c'est celui qu'avec le recul, en y repensant, j'ai le plus le goût de revisiter pour lui redonner une autre chance. Parce que je me sentais extraterrestre de ne pas l'avoir aimé. Je me sentais extraterrestre de ne pas l'avoir aimé, la pognez-vous! Ouh! Ben, moi, comme film d'extraterrestre, j'ai vu Extraterrestrial. Film de 2015, si je me trompe pas. Que je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Je me souvenais qu'on en avait entendu parler en bien, puis qu'il était sur plusieurs listes comme quoi que c'était un bon film à découvrir. Et au début, j'étais comme, ah ouais, ça va être bon ça. genre de, c'est un genre de cabin in the woods avec des extraterrestres, des flots qui s'en vont, cabane dans les bois, puis oups, pendant la nuit, il va arriver des extraterrestres. Et tu penses qu'à un moment donné, ça va quasiment virer en found footage, parce que certains segments du film, ouais, c'est juste du found footage. À travers la fiction, normale, c'est comme bizarre à dire, mais en tout cas, ouais, à travers la façon normale de filmer. Donc là, Manny, j'ai comme fait, en plein milieu du film, je me suis dit, shit, on vire en found footage, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, mais finalement, ça revient. Et là, la marde pogne assez rapidement dans Extraterrestrial. Tu t'attends à ce que ce soit un film qui va y aller mollo, dans son suspense, dans son, les apparitions d'extraterrestres, tout ça. Mais non, il t'en met plein la gueule assez rapidement, puis il se rend loin, là, il se rend très, très, très loin dans ce que tu peux avoir comme film d'extraterrestre. Il y a même une scène qui peut faire penser au flashback de Fire in the Sky. Ouais. Ouais, clairement, il y a eu de l'inspiration de ça. Là. Et il y a un petit peu d'humour à travers tout ça. Mais puis il y a même des personnages que tu t'attends pas à ce qu'ils meurent, puis ils meurent, puis de façon vraiment hardcore. Donc, ouais, non, un film qui surprend, qui va plus loin que ce qu'on pense. Effrayant par moment. Je trouvais qu'il y avait des scènes, ouais. Des bons stress, des bons suspense. Agréablement surpris. Dans ceux qui m'ont procuré le plus de plaisir pendant mes 31 jours d'horreur. J'ai vraiment aimé. Puis une drôle de... Ben, pas une drôle de finale, mais une finale qui va à l'encontre de ce que tu pourrais penser qu'un film comme ça va finir. Là. Non, vraiment. J'ai adoré. C'est ça, Steven, tu m'avais dit par après que tu avais trippé et tu avais hâte de m'entendre parler. Ouais, ben c'est un film assez classique, mais c'est que c'est visuellement, c'est tellement de la bombe. T'as des idées là-dedans. À un moment donné, avec l'eau, là, la pluie, j'étais comme, asti que c'est hot. Oh, le réalisateur. Ah, oh, c'est hot. Le réalisateur tente tout le temps d'aller chercher de quoi, que ce soit de coloré ou vraiment en termes de visuel, il y a vraiment des bonnes idées. Moi, mon seul petit point faible, je te dirais que les 10 dernières minutes sont de trop. C'est comme too much. Moi, j'aurais terminé ça comme les 10 minutes où tu penses que c'est fini, puis après, ça continue. Là. Je sais pas si tu vois à peu près où je vais dire. Là. Ouais, mais tu vois, okay, c'est tellement too much, mais j'étais tellement déjà dans un mood de too much que je l'acceptais. Parce que okay, je me suis dit, ces films-là vont jamais jusque-là. Fait que je trouvais ça correct que lui décide d'aller jusque-là. Ça m'a pas puis dérangé, mais je comprends que ça pourrait déranger certaines personnes. Mention spéciale à la bonne intro mettant en vedette la petite Emily Perkins qu'on a plus la chance de voir souvent. J'ai trouvé ça cool là, au début de la voir, même si elle n'a pas un grand rôle. Hein? L'intro? Ouais, c'est Emily Perkins de Ginger Snap dans la cabine téléphonique. C'était elle? Je trouvais qu'elle y ressemblait. Ouais, ouais, ben justement, c'est normal. OK. Ah, cool. Très cool. Oui, c'est vrai, c'était hot, là, cette intro-là. Oui, mais ben, c'est le genre d'intro, justement, parce que tu fais comme « Oh shit, wow! » Ça peut vraiment... Ben, c'est ça, l'intro passe, puis t'es là comme « Ok, je pense que je vais être devant un bon film. » Alors que, justement, tu t'attends pas forcément à quelque chose de bon. Là. Yes. continuons avec la journée 24. Les films de monstres. Steven, tu voulais nous parler de Phantasm Ravager? Ouais, c'est le cinquième volet de la série. On a déjà fait un épisode sur le premier que on a pas mal globalement tout aimé, à part toi, Seb, qui avait quelques réserves. Ouais. Ah, moi aussi. Oui, ça, c'est... Moi aussi, j'étais. Ouais, toi aussi, Vicky. Ouais. Oui, c'est vrai, oui. Ok, puis tu sais, j'ai quand même pas mal la série. Puis le cinquième volet, il a été fait comme. Il est sorti l'année passée. Je l'ai eu pour Noël. Puis je l'ai écouté finalement cette semaine parce que j'ai retardé mon visionnement à cause des critiques désastreuses. Mm-hmm. Et avec raison, chers amis, c'est terrible, c'est vraiment très mauvais. C'est Phantasm version sci-fi en termes de visuel puis de budget. C'est vraiment bas de gamme, beaucoup de CGI. Mais étonnamment, c'est vraiment mauvais, mais c'est très divertissant parce que ça n'arrête jamais. T'as beaucoup de gore cheap, mais tu sais, le rythme est soutenu. Mais le scénario m'a tellement insulté que j'étais en tabarnak après le film que j'avais plus envie de le continuer. Parce qu'on suit encore Reggie, notre fameux personnage de camion de crème glacée. Mais vraiment, ils ont osé aller jusqu'au point que peut-être que tout ce qui arrive dans la série Phantasm se déroule que dans la tête de Reggie qui est instable mentalement. Fait que entre tout le long du film, tu vagues entre Reggie dans un hospice qui revient à la réalité, puis Reggie qui combat les boules, puis le Tall Man. J'ai comme fait, comment le scénariste peut arriver à un point où que le personnage de Reggie est tellement important que tout l'univers repose sur son personnage et son esprit? J'ai trouvé ça vraiment mauvais. L'acteur est aussi mauvais qu'avant. Chris, je veux dire, Phantasm, qu'est-ce qui est bon, c'est que c'est un what the fuck. C'est un univers complètement incompréhensible qui t'amène des éléments qui viennent te déstabiliser. Puis là, c'est vraiment juste un film banal qui tente de t'en mettre plein la vue avec les éléments qu'on a déjà vus. Ça n'a rien à rajouter de nouveau à l'univers. Puis c'est vraiment mauvais. Je comprends pourquoi la critique a été affreuse. Puis j'ai détesté ce volet-là. J'ai pas aimé le quatrième. Je trouvais que c'était le pire de la série. Mais finalement, je suis prêt à revoir le quatrième. Puis d'abandonner le cinquième pour de bon. Là, c'est vraiment décevant. Là. Dommage. Vraiment dommage. Fuck you, Reggie. Fuck you. Fuck you, Reggie. Fait que Reggie, c'est lui qui chantait des chansons dans le film, hein? Ouais, lui avec la queue de cheval qui a toujours encore, et toujours aussi brune, à croire qu'il vieillit pas. Puis il chante encore dans le film? Non, il est plus en train de se la jouer à la Bruce Campbell, du genre qui rouvre son coffre, il met ses guns avec un petit montage à la Evil Dead, puis il commence à tirer sur une dizaine de boules. Là. Ça a été copié par tout le monde, ça, cette affaire-là. Oui, tu sais, sur des boules. Ces montages-là ont tellement été copiés par tout le monde. Ah, donc. Oui, Ben, dès qu'un film tente d'être fun dans un aspect party, faut qu'il te foute le montage Evil Dead. C'est comme obligatoire. Ouais. Jeff, avant qu'on passe à mon film et à une petite interruption pour Vicky, toi, tu nous avais suggéré Twilight Zone, puis je voulais que tu m'expliques pourquoi Twilight Zone dans Monstre. Oui, c'est vrai. Twilight Zone, le film, ben c'est pas un segment que toi t'aimes, je pense, Sébastien. Oui, oui, oui, le oui. Segment de l'avion. Oui. avec John Lithgow. Ben, tu sais, il y a d'autres monstres. Si on veut, dans l'intro du film avec Dan Aykroyd, il y a un monstre, si on veut. Mais c'est-tu le lapin? Il y a un lapin géant aussi. Tu sais, il y a des monstres dans ce film-là. Oui, oui, oui. Mais non, c'est ça, le segment à la fin, tu sais... Terreur à 60 000 pieds, je pense que ça s'appelle quelque chose comme ça. Ouais. C'était basé sur un épisode original avec William Shatner, la série originale, mais ils l'ont refait dans le film avec John Lithgow, puis c'est deux fois plus terrifiant, c'est 10 fois plus terrifiant que l'épisode original. Là, la, c'est George Miller. Ouais. Oui, c'est puis vrai. Il réalise. Puis la créature sur l'aile de l'avion est vraiment troublante. Là, puis la face de John Lithgow, le fameux plan de ses yeux qui deviennent exorbitants comme un cartoon, ça reste... Oui, vraiment. Mais ça, c'est typique du réalisateur, parce que dans son premier Mad Max, un des personnages qui meurt au début, avant de rentrer dans une explosion, tu vois ses yeux sortir également de sa tête. Mais c'est ça, c'est juste un petit film. T'sais. C'est sûr qu'il y a un air de scandale autour à cause de la mort d'un des acteurs et tout ça dans le deuxième épisode, je pense, l'épisode du Vietnam. Mais ça reste que c'est un bon film, selon moi. Là, selon toi, je ne l'ai pas vu, mais c'est un petit film divertissant. T'sais. Un peu comme Creepshow dans un sens, tu sais, ça fait que c'est une anthologie le fun. C'est peut-être moins le fun que Creepshow, mais plus épeurante un peu là. Mais... Ouais, moins tongue in cheek là, tu sais. Là. Ouais. Plus sérieuse. Ouais. Mais c'est drôle, l'épisode avec l'enfant puis exemple le lapin géant pourrait facilement figurer dans Creepshow parce que ça donne une atmosphère très bande dessinée cartoon. Là. C'est vrai. Vraiment. Puis t'as l'épisode de Spielberg aussi avec les vieux, si je me trompe pas aussi. Ouais. Vraiment. C'est lui que j'aime le moins, c'est trop Spielberg. c'est tellement vois, moi, typique c'est... de lui. Non, tu vois, moi je l'aime beaucoup, c'est celui de la Deuxième Guerre mondiale que j'aime pas. Ouais. Je pense que c'était lui que j'aimais le moins aussi. Moi j'ai vu Colossal avec Anne Hathaway qui. Pas tant que c'est le genre de film qu'il faut pas en savoir trop parce que. Je pense que pour l'instant, c'est mon coup de cœur des 31 jours d'horreur. Sérieusement, nice. Colossal, c'est de la bombe. C'est un film qui va au-delà que tout ce qu'on pourrait penser que ça va aller. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Colossal, c'est avec Anne Hathaway. Et Jason Sudeikis, c'est ça? Jason Sudeikis, si je me trompe pas, qui est un acteur comique. Oui, c'est ça. Et... Qui elle vient de se faire larguer par son chum, elle a des problèmes d'alcool et elle décide de retourner dans sa ville d'antan quand elle était jeune. Et au même moment, qu'elle décide de retourner dans sa ville de l'époque, un monstre se met à attaquer Séoul, un genre de gros monstre à la Godzilla. Et rapidement, elle va s'apercevoir qu'elle est liée à ce monstre-là. Je vous dis pas comment, je vous dis pas pourquoi, je vous dis rien. Allez pas voir les bandes annonces. Croyez-moi sur parole, ce n'est pas un film d'horreur. Vous n'allez pas avoir peur du monstre ou quoi que ce soit. Mais c'est un film qui traite de sujets vraiment diversifiés, vraiment importants. Et aussitôt que c'est rafraîchissant de voir quelque chose d'original comme ça. Mais de sacrement d'original. Moi, quelqu'un qui me dit qu'il a déjà vu ça, là, j'ai vu du monde là, sur les forums dire « Ouais, c'est du déjà vu. » Je regarde, arrête de faire ton Christy de snob, c'est pas du déjà vu. Là. C'est pas parce que t'as déjà vu un monstre dans un film ou que t'as déjà vu quelqu'un faire ça avec un monstre dans un film que ce film-là n'est pas original. Le sous-texte de ce film-là est trop original pour qu'on le laisse passer. Sérieusement, c'est vraiment... C'est le film auquel je pense le plus puis qu'il y a le plus de scènes qui m'ont marqué. Je pourrais... Je l'ai vu une fois puis je le connais quasiment par cœur. Au point qu'il y a tellement de scènes que je fais comme « Ah, ça, c'était cœur. Hein? Ça, c'était cœur. Hein? Ah, ça, c'était super bon. Ah, c'est-tu que j'ai aimé cette scène-là? » Vraiment. Alors, c'est un film à voir. Les effets spéciaux sont bons. Les acteurs sont bons. Anna Tawai est bonne, même si... T'es un petit peu trop mignonne pour une fille qui a beaucoup de problèmes d'alcool, tu sais. Je veux dire, elle est pas assez détruite à mon goût, là. Tu sais, elle peut pas avoir de l'air. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire par là, mon Seb? Non. Je parle de vrais problèmes. Je parle de vrais problèmes. Non, écoute, là, tu sais, je veux dire, quelqu'un qui rentre à 6h30 du matin à tous les jours, puis que. Qui même, je dis 6h30, là, elle rentre chez elle à 8h30 du matin. Là. Parce qu'il se passe des trucs à 8h05 dans le film. Fait que, okay. À 8h05, elle est encore saoule. Fait que non, c'est okay. À tous les matins. Fait que non. Ah, mais quand même pas pour passer tous ces films maganés comme des misérables non plus. Là, t'sais. Non, c'est sûr. Mais celui-là méritait d'eux. Mais c'est ça. Par l'excellent réalisateur de Time Crime. Oui, c'est ça. Exact. Mm. Et tu sens le réalisateur... qui est capable de mettre des choses très complexes dans ses films. Mais dans lui, autant qu'il est complexe que il te perd pas. C'est ça que j'ai trouvé le fun. Je veux plus vous en dire. J'ai très hâte. Vicky, avant qu'on passe à la prochaine journée, tu voulais qu'on parle des films de monstres en général. Je te laisse y aller parce que je sais pas trop ce que tu veux nous amener avec ça. Ben non, mais c'est juste de me demander, est-ce que le film de monstre est un genre défini très clairement? Parce que, tu sais, je regardais, mettons, je fouillais sur Netflix, quel film que je peux écouter comme film de monstre, puis je trouvais qu'il y avait gros des films que c'est, mettons, tel autre genre, mais ça peut être aussi un film de monstre. Par exemple, Horns avec Daniel Radcliffe, c'est démoniaque, mais ça reste un monstre. J'ai écouté Piranha 3D cette semaine. C'est des animaux, mais c'est des monstres. Donc, j'étais là, puis je regardais les extraterrestres aussi. Je trouve qu'il y a beaucoup de films d'extraterrestres qui peuvent être des monstres. Ben, j'étais comme, est-ce que c'est un genre qui est moins défini? Mais tu sais, je t'interromps. La question de Seb, tantôt, par rapport à Twilight Zone, me faisait... Je réfléchissais en même temps que je répondais. Je me disais, tu sais, dans le fond, n'importe quel tueur ou tueur en série ou peu importe peut être considéré un monstre dans un film. Fait que, tu sais, le film, oui, il y a des monstres, même si c'est des humains des fois, tu sais. C'est... Ouais, la tu question vois, est large, là. Moi, je vais vous donner un peu mon interprétation de tout ça. C'est que quand je parlais du film de monstre, je parlais vraiment de monstre à la Godzilla. OK. C'est pour ça que moi, je suis allé avec Colossal, tu sais. Oui, puis c'est... Fait, puis je vois que Steven nous avait suggéré Shin Godzilla. Mais c'est sûr qu'après ça, je vois Babadook, Other Side of the Room, puis Twilight Zone de Movie, puis je me suis rendu compte que, oups, on n'a pas compris tout le monde la même chose. Non, mais tu sais, j'ai joué un peu, des fois, je jouais avec les règles aussi, mais tu sais, je recommande Shin Godzilla aussi. Depuis. Mais pour le film de monstre, je parlais vraiment du style kaiju. J'aurais peut-être dû dire kaiju ou quelque chose comme ça. Mais je sais pas, tu sais, moi, quand je pense à un film de monstre, les films qui me viennent en tête, c'est genre Tremors ou Le Feast. Tu sais, c'est vraiment comme des créatures, des monstres. T'sais, quand je pense à Piranha, pour moi, ça... Tu sais, oui, c'est des piranhas modifiés, mais ça rentre dans la catégorie d'animal tueur, tu sais, des animaux comme avec Cujo puis tous ces autres films-là. Fait, tu sais, oui, on peut dire que c'est tous des monstres, mais je crois qu'il y a une manière de les mettre dans différentes catégories pareilles. Tu sais, comme les aliens, ça reste des films d'extraterrestres, même si on pourrait dire des monstres. C'est ça, parce que c'est comme Cloverfield ou Brume. C'est un film de monstres. Brume, pour moi, c'est un film de monstres. Ouais. C'est, okay, qui a recommandé Babadook? Audrey. Ben, c'est un film de monstres, selon moi. Même si c'est le monstre dans le placard un peu, c'est le boogeyman, ça reste que c'est un monstre. Ben, écoute, ça serait comme de dire que Monster, que Vicky a écouté, c'est pas un film de monstres. Ça reste que c'est un film de monstres, mais qui va ailleurs. Fait que c'est un peu ça, Babadook. C'est un film de monstres, mais qui va ailleurs. Ouais. Ouais. Mais encore là, c'est le même réalisateur que Godzilla américain. Puis Godzilla américain, c'est un film de monstres pareil. Même s'il y a beaucoup plus d'emphase sur les humains, ça reste que c'est un film de monstres. Ben c'est pareil pour Monster, dans le fond, comme Godzilla, c'est un réalisateur qui aime mettre l'enfance. Ouais. Sauf que Monster s'est dit au début que c'est un film d'extraterrestre. Oh, mais tant qu'à ça, Cloverfield aussi, d'abord. Mais spoiler. C'est ça, Cloverfield aussi, dans ma tête. Ouais, sauf que, mais tu sais, Cloverfield, c'est Cloverfield Lane, c'est un film de monstre pour vous autres. Moi, je trouve que John Goodman, c'est autant un monstre que les monstres à la fin. Ouais, mais tu comprends que c'est un humain, tu sais. C'est pas un monstre, là. Changeons le mot monstre par créature ou... Ouais. Bébite. Ouais, c'est ça, un film de bébite. C'est parce que monstre, c'est large. Henry, serial killer, peut être un monstre. C'est ça. Prenons le mot monstre à son premier degré. Ok, c'était ça ma question. Le monstre au premier degré. Ah, il n'y en avait pas tant que ça que je trouvais qui m'intéressait. Parce que le poster de 10 Cloverfield Lane, ça joue là-dessus. C'est comme les monstres sont pas ceux que vous croyez. Ouais, c'est genre de John Goodman, tu sais. Ouais. Comment? Oh, ouais, non, vraiment. Puis moi, c'est ça, j'ai checké. Moi, j'ai The Other Side of the Door, mais encore une fois, je l'ai pris sur une liste. Je l'ai pris sur une liste Netflix. Mais c'est ça, c'est que, tu sais, il y a aussi des démons. Je parle pas de possession, mais je parle vraiment de démons. Ouais. À la limite, si tu crois pas à ça, ça devient des monstres. Mais comme je dis, c'est encore des limites floues, là. Je sais pas, moi, démon, ça reste vraiment démon. C'est différent qu'un monstre, parce que c'est comme une entité, un esprit, mais ça vient pas d'un être humain, c'est vraiment juste démoniaque. Sais-tu, moi, j'ai mélange tout le temps, là, sinistre et l'autre. Là, c'est lequel qui sera monstre dans un autre? Insidious, c'est avec des démons, là. Comme. Démons? Pas vraiment des monstres, c'est vraiment c'est classifié comme un démon, tu sais, dans le film quand il en parle comme étant un démon. Ok. Mais en même temps, c'est ça, je te le dis, Seb, je la comprends, la définition de monstre, comme tu la comprenais, c'est juste que tu me connais, j'ai tendance des fois à dévier un peu des règles, tu vas me dire, donne un film de possession, tu sais, possession, je vais trouver ça plate de dire, ah, l'exorciste, fait que je vais dire, The Conjuring, genre une possession à 10 minutes de la fin, tu sais, mais c'est... moi, j'aurais dit Chucky. Ouais, c'est ça. Ben, ça peut, il y a de la possession dans Chucky. C'est ça. Mais tu sais, c'est juste pour dire, des fois, ça se peut que les limites soient pas si sûres. Oui, de stretcher un peu le sujet, des fois. Ouais, sauf que, tu sais, admettons, dans le cas de monstre, d'aller prendre Henry, un serial killer, là, je ferais comme, garde, GF, out! Là, j'aurais fait comme, si, là, il veut vraiment trop. Mais c'était juste comme une question de voir si c'était clair pour tout le monde avait le même... Mais tu sais, ça fonctionne dans n'importe quel genre, c'est pas juste celui de monstre, la ligne est toujours floue, tu peux tout le temps trouver de quoi qui va être borderline, là, si c'est, un peu pour ça l'idée de ces thèmes-là, je pense que c'était surtout des mots-clés. On dirait que c'est des mots-clés, des fois, plus que des thèmes ou des sous-genres. Mais non, c'est ça. Mais tu vois, garde-monstre, je pense que c'est celui qui était le plus problématique pour tout le monde. Le prochain est un petit peu plus clair, mettons. Jour 25, c'était la paranoïa. Ah, justement, je voulais justement te demander quand est-ce qu'on arrivait à ça, parce que, petite parenthèse, ta petite intervention au Téléjournal Extra, longue intervention, ça a duré une demi-heure, là, de la conversation, 15 minutes quasiment, que tu as faite aux nouvelles au Saguenay. T'as parlé, tu dis, la veille, c'était la paranoïa, fait qu'on a moi, j'ai écouté L'invasion des profanateurs. T'as dit, en fait, c'est ton film préféré, je pense. T'as dit L'invasion des profanateurs. Puis j'ai tellement, tout à l'heure, tu disais, je veux pas trop révéler d'affaires sur Colossal. Eux autres, tout de suite, après que t'en parles, la fin du film, c'était la dernière scène du film. Si tu connais Donald Sutherland, puis tu sais que c'est le personnage principal, puis tu comprends un peu le principe du film, tu fais, calice. J'ai capoté quand j'ai vu ça. Tu sais, pour l'autre, il avait donné Ravenous comme film. Il avait passé la bande-annonce. Et l'autre, il avait donné Night of the Hunter, c'est vrai. Puis, il avait passé la bande-annonce, je pense aussi. Je pense que oui. Puis moi, c'est Invasion of the Body Snatchers, la séquence finale. Là, j'étais comme, c'est une mienne. Il y a d'autres images que tu peux montrer de ce film-là. Ah, oh, God. Montre le chien qui est peut-être humain, montre, je sais pas d'autre chose. Mais... Ouais, montre la bande-annonce. Je sais pas. Ben, la séquence où ils se font poursuivre. Là. Ah, non, c'était épouvantable. J'étais comme, bon, en tout cas. C'est un film de 1978. Il y a presque 40 ans, en tout cas. Les auditeurs, si vous l'avez manqué, c'est Téléjournal Extra dans Google, Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis c'était l'épisode du 26 ou 27 octobre. Je ne sais pas s'il était disponible à l'écoute. Là, non, j'ai checké encore ce matin ou après-midi, puis il n'était pas disponible. Pas disponible. Quand il va être disponible, c'est sûr, je le partage sur Horror Gamer, puis sur la page du groupe pour les 31 jours. Mais non, c'est vraiment le fun comme petite intervention d'ailleurs à faire. Ça a duré 15 minutes, qu'on a parlé de films d'horreur, puis j'ai pu parler du podcast un peu, c'était cool. Donc, Paranoïa. Oui, Paranoïa. Donc, ben moi, j'ai écouté Invasion of the Body Snatchers. Next! Non, ben, moi, j'avais mentionné supposé... Get Out. Oui, tu avais mentionné Get Out. J'étais supposé d'écouter It Comes at Night, mais finalement, à cause que j'allais faire l'entrevue, puis que j'ai dit... Mon film préféré, c'était Invasion of the Body Snatchers. Je me suis dit, bon, je vais me mal remettre frais dans la tête pour être capable d'avoir de quoi à dire comme faux dessus. Steven, toi, t'avais-tu mis quelque chose? Gaslight, c'est pas toi. Hein? Gaslight, c'était Audrey. Non, j'ai mis... In the Mouth of Madness. Ah non, mais j'ai... Non, ça c'est moi. Ouais, non, c'est moi, j'avais mis It Come at Night. Ah, okay, je l'avais conseillé. Ça. Finalement, on l'avait mis tous les deux, c'est pour ça. Ben, c'est ça, mais là, moi, j'ai pas vu It Comes at Night, finalement, malheureusement. Mais, Steven, tu voulais nous parler du film Altitude? Ouais, j'ai revu ça. C'est un film que j'avais vu il y a plusieurs années, puis j'avais détesté à l'époque parce que le film m'avait beaucoup intrigué, puis je trouvais qu'il était prometteur, mais je trouvais le résultat décevant. C'est ça que j'avais mentionné quand j'avais fait la... Ouais, exactement. Ouais, j'ai déjà vu. Ouais, puis c'est drôle, j'en avais parlé quand j'avais fait la vidéo pour Frisson TV. Tu sais, je disais, l'avantage avec Frisson TV, même si j'ai le DVD d'un mauvais film, ben, c'est que parfois je vais juste le réécouter pour aucune bonne raison, parce qu'il joue à la télévision. Puis c'est ça qui est arrivé avec Altitude, il joue à Cinépop, puis j'ai décidé de le revoir. Puis étonnamment, le film a gardé plus mon attention que la dernière fois, sachant plus à quoi m'attendre, mais je considère pareil que c'est une bonne occasion ratée de faire un excellent film. Où tu as un groupe de jeunes qui décident de faire une virée en avion pour aller je ne sais plus trop où. Puis durant leur virée en avion, ils vont rentrer de plein fouet dans une tempête vraiment assez intense avec des éclairs d'appui, mais qui semble infinie. Ils sont pognés là, ils n'ont plus de boussole ou rien pour s'orienter. Puis c'est vraiment comme un genre de huis clos paranoïaque, si on veut, entre gros guillemets. Puis il y a des personnages qui vont croire voir une silhouette, puis une espèce de créature passer dans les nuages. Puis c'est très, très H.P. Lovecraft. T'as l'impression par moment de voir justement Cthulhu vaguer dans le ciel. Puis c'est vraiment ce qui m'avait le plus attiré quand j'avais vu la bande-annonce. Mais le problème de ce film-là, pour moi, c'était que quand tu fais un huis clos, l'intérêt principal, c'est de faire en sorte que tes acteurs soient bons et que tes personnages soient attachants. Et là, ça donne que les personnages sont mal écrits, que les acteurs sont pas très bons, fait que ça fonctionne pas vraiment parce que tu n'arrives pas à croire à tout ce qui se déroule dans le petit avion. Les problèmes que les personnages ont sont ridicules. Puis le film va loin dans le too much. Les personnages font des décisions qui font pas de sens. Puis des fois, c'est surréaliste pratiquement. Mais j'aime les plans de créatures d'ombre qui vaguent. Puis il y a un côté très toile à zone qui va avec le twist final, que c'est pas le film qu'on s'imagine au bout du compte. Il y a vraiment un twist qui semble sortir de la série Toile à zone. Puis je trouve ça intéressant, mais c'est mal exécuté. Puis je trouve ça dommage parce que le potentiel était vraiment là de faire de quoi de solide. Puis malheureusement, ben, le réalisateur échoue. Mais malgré tout, j'ai quand même gardé mon attention sur le film durant 1h30. Puis je sais pas, j'ai moins détesté que la première fois, mais je considère pas que c'est un bon film pour autant. Mais quand il joue à Cinépop, I guess que la pilule passe un petit peu mieux. C'est quoi le titre? Puis même le titre Cinépop, c'est quoi? Altitude. Ok, moi, ouais, ça me dit quoi, mais... Puis tes commentaires... Oh, j'allais dire tes commentaires fit avec mes souvenirs du film. Là. Ouais. Que les acteurs et les personnages n'étaient pas super intéressants. Là. Mais qu'il y avait une créature Lovecraftienne, ça, je me rappelais. Là. Ouais, beaucoup, beaucoup. Fait que ça, c'était pour les Paranoïa, c'est ça? Ouais, jour 25. Puis moi, j'avais conseillé It Comes at Night, puis j'en parle pas là pour la simple raison que j'ai fait le tour sur un petit épisode de séance de minuit. Pas que je veux forcément juste faire de la pub pour séance, mais si vous voulez vraiment m'entendre de long et en large sur It Come At Night, allez-y. Je crois que c'est un de nos épisodes vraiment intéressants qu'on a fait. Fait que ça vaut le coup d'aller l'écouter. Avec ou sans spoiler? Celui-là, je pense qu'il n'est pas de spoiler. C'est Mother après qu'ils avaient spoiler. Mais de toute manière, comme je disais, on met des balises sur le show pour avertir quand il y a des spoilers, qui soient petits ou gros. Là. Oui, je sais. Il y a beaucoup d'épisodes de Séance de minuit que j'ai downloadé et que j'ai comme skippé parce que j'entendais la balise. Là. Mais je veux juste savoir par curiosité. Donc, on est-tu rendu au genre suivant qui est le giallo? Ouais. Moi, j'ai rien revu. Mais moi, je suis tellement en retard dans mes giallo. Pour vrai, les gars, là, si j'en ai vu deux dans ma vie, trois gros max, c'est bon. Mais j'ai vraiment envie d'entendre Sébastien parler de Suspiria parce que quelqu'un qui n'a pas vu Suspiria, c'est quand même rare de nos jours. Puis je trouve tout le temps ça intéressant de savoir l'opinion pour la première fois. Parce que je sais que Seb n'est pas habitué au cinéma italien. Il va vraiment falloir que je le revoie, mais en widescreen, premièrement, puis en HD. Parce que tu sais, je l'ai vu en VHS, mais il y a très, très, très longtemps, puis j'avais pas aimé ça. Là. VHS, j'avoue que c'est. Mais écoute, si tu as besoin de revoir Suspiria, Jean-François. Le Blu-ray de Synapse devrait sortir prochainement. Puis, tu sais, c'est comme le nouveau transfert 4K, c'est la version définitive à voir Suspiria. C'est écœurant. Ouais, en même temps, je suis cheap un peu, puis je pensais le regarder sur Tubi, mais je vais voir. Non, mais je veux dire, il va jouer sur Shudder ou je sais pas, tu sais, si tu veux. Quelqu'un, je vais te le prêter juste. Mais les copies sur Tubi, des fois, sont belles aussi, là, ça dépend. Là. Oh oui, c'est juste que, tu sais, j'ai un DVD où la copie est correcte, là. C'est juste que quand tu vois le transfert 4K, t'es comme, OK, j'ai jamais vu Suspiria dans son plein potentiel, là. Ouais, moi c'était mon film à écouter, Suspiria. Puis, comme je disais tantôt, hors épisode, je me souvenais du début puis de la fin. Donc, je me souvenais de la fille qui tombe à travers le plafond puis la vitrine. Ça. Puis je me souvenais de la finale avec la scène où le lit, puis tout ça, sans trop voler de punch. Puis la personne qui sort comme du placard et tout ça, l'affrontement final. Puis je me disais, mais il me semble que le milieu il est vide. Il me semble qu'il se passe rien. Puis effectivement, pour quelqu'un qui est pas alerte, il se passe pas grand chose, tu sais. Il y a quelques séquences un peu effrayantes, mais c'est beaucoup un film qui fait son build-up tranquillement, tu sais. Mais il y a tellement des scènes marquantes. Puis moi, il y a une scène qui m'a marqué que je me souvenais pas. Et c'est la scène quand ils vont tous dormir dans le genre de gymnase, je sais pas trop. Puis là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui dort en arrière d'eux autres. Mais le son de cette personne-là qui ronfle, ou en tout cas qui respire... Astiche qui me fait freaker. Il me fait freaker bien raide, ce son-là. C'est crissement efficace. Mais c'est ça. Non, il y a vraiment des belles scènes là-dedans. J'ai de la misère à y donner autant d'amour que beaucoup de gens. Mais je reconnais vraiment le talent derrière ce film-là. Et en 4K, ça devait être débile. Ouais, c'est débile. Les 15 premières minutes de ce film-là, comme le disait quelqu'un qui l'a vu pour la première fois récemment, Jean-Michel, c'est de la putain de bombe. Tu sais, juste ça, c'est suffisant déjà en partant. Oui, vraiment, vraiment. Puis c'est ça, c'est que les 15 premières minutes sont débiles, puis il y a d'autres scènes à un moment donné pendant le film, parce que le film, côté visuel, tombe un petit peu plus à plat. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, là, mais c'est pas le gros kick visuel tout le temps. C'est juste ça que je veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais, c'est moins tape à l'œil vers le milieu, mais je te dirais que tout est dans l'ambiance puis le cadrage puis, de Argento. Puis c'est ça, en fait, il se passe pas grand chose dans le milieu du film. Il y a tout le temps de quoi qui plane, je trouve. Argento, avec sa mise en scène, il a le don de faire en sorte qu'on dirait qu'il y a tout le temps de quoi de maléfique qui plane tout au long dans cette espèce d'école de danse-là. J'aime beaucoup, mais moi, je fais partie des rares qui. Suspiria, pour moi, n'est pas le chef-d'œuvre d'Argento, mais pour moi, c'est Inferno, parce que j'ai vu Inferno en premier. Et je sais pas, Inferno est un film qui me fait plus capoter sur son visuel. Puis c'est un peu comme Suspiria, les 15 premières minutes, c'est intense. c'est un peu plus mollo dans le milieu, mais j'ai l'impression qu'il y a... Moi, il n'y a aucun temps mort dans Inferno. Là, j'aime toutes les séquences, puis c'est un film vraiment... que je conseille fortement, là, mais je comprends ceux, admettons, qui préfèrent Suspiria, mais... Puis tu vois, pour quelqu'un qui, comme Vicky, n'aime pas trop la musique dans les films, évidemment, Suspiria, il y a de la surdose. Ben il y a de la surdose. C'est parfait. Je déteste Suspiria. Je déteste. J'écoutais parler, j'étais comme, moi, c'est tellement l'opposé. C'est le genre de film que j'écoute sur mute, puis que j'aime... Puis à cause de ça, on dirait que je suis plus alerte aux images. Fait qu'il y a plein d'images qui me restent, puis il y a plein de moments qui me restent. Mais la, je l'écoute sur mute. Je suis pas capable de l'écouter avec du son, ce film-là. Je suis incapable. Il est trop extrapolé. Tous les sons, tout intense. Oh oui, ben écoute, honnêtement, moi je l'écoutais, puis il y avait le. Il y a le petit qui dort, puis tout. Là. Puis je levais le son pendant qu'il y avait des dialogues, puis à un moment donné, la musique embarquait, puis j'étais comme wow, oh oui, c'est ça. C'était comme ça, dans les extrêmes. J'ai un ami qui me dit, moi, je travaille en écoutant sur YouTube l'album de Goblin, puis je suis comme, mais à quel point t'es fou? Non, c'est de la bonne musique, c'est de la bonne musique. Ah oui, je sais, mais là, c'est qu'elle va chercher, là. Elle va chercher, là. C'est comme, mettons que... C'est un deuxième personnage dans le film. Oui, c'est, vraiment. Pour moi, c'est tellement nécessaire. J'ai de la misère à croire comment on peut écouter Suspiria sans musique. Tant qu'à moi, je pense que tu devrais juste pas écouter le film. Non, honnêtement, la musique qui a été pour beaucoup dans mon écoute. Là. On dirait que la musique rajoute des trucs à des moments qui lui manque de quoi, je sais pas. Non, mais on s'entend, là. J'écoute pas Suspiria pour le plaisir un soir de semaine, là. Si t'auras un gamer ou une raison X ou Y, je remettrais Suspiria. Moi, je ne le mettrais pas sur ton, tu sais. C'est ça que je veux dire. Mm-hmm. Ben. Il y a Yannick qui dit qu'il faudrait que j'écoute le troisième de la trilogie. Moi, je fais partie de ceux qui l'aiment. Je le trouve vraiment le fun. Puis c'est sans doute un des films les plus gore de Argento. Mais en termes d'ambiance et de visuel, oublie ça. Mother of Tears, il n'y a rien de visuel qui se rattache à Inferno ou Suspiria. On dirait un téléfilm italien. C'est vraiment cheap, mais c'est vraiment divertissant. Fait qu'il faut vraiment le prendre pour qu'est-ce que c'est, parce que sinon, tu restes d'en sortir déçu. Bon conseil. Jour 27, c'était les vampires. Les amis. Toi, Steven, c'est toi qui nous avais dit Vampire Los Muertos. Ben oui, je suis un des rares qui a revu cette affaire-là, puis je vais pas m'éterniser, chers amis, mais Vampire Los Muertos, c'est la fausse suite, en guillemets, du film de John Carpenter, Vampire. Sauf qu'au lieu de retrouver notre personnage de James Wood, on retrouve Bon Jovi, It's My Life, qui va chasser des vampires. Et je sais pas, ça traînait dans ma bibliothèque, je suis comme, crime, j'ai pas revu ça depuis longtemps, je vais m'aller retaper, puis... Crime, je comprends pourquoi j'ai pas revu ça depuis longtemps. Bon Jovi n'est pas James Wood. Le film, entre guillemets, réussit à retrouver un petit peu d'ambiance puis le style de groupe où tu es des chasseurs de vampires chercher un grand maître au Mexique. Ça a un côté western comme celui de John Carpenter, mais c'est juste tout est moins bon. Bon Jovi est très mauvais acteur. Il est tellement mauvais. Il essaie de se la jouer badass avec ses petits guns avec des pics, mais ça fonctionne pas. Puis, l'aspect que j'ai trouvé intéressant en revoyant, c'est que dans le film de John Carpenter, le vampire suprême, c'est Valek, un vampire masculin qui me rappelait un vampire de Full Moon Subspecies. Puis dans ce volet-là, c'est une femme. Puis je trouvais ça que c'était plus rare de retrouver une femme comme... vampire suprême, tu sais, c'est vraiment comme la mère de tous les vampires. Mm-hmm. Et je trouvais ça intéressant. Je trouvais que son personnage de vilain semblait intéressant, mais tellement mal exploité qu'au bout du compte, il était aussi anodin que tous les autres vampires qu'on voit dans le film. Puis c'est pas très bon. J'ai pas grand-chose à dire vraiment là-dessus, à part ben, éviter ça. C'est présenté par John Carpenter, mais I guess qu'il y a eu un beau petit chef. Fait qu'il a dit, c'est correct, vous pouvez mettre mon nom dans le générique pour dire que je le présente, puis c'est tout. GF, J'ai le goût que tu nous parles de ce que tu avais suggéré. Je suis pas sûr que tu l'as revu, mais tu nous avais suggéré je ça l'ai même l'épisode. Je l'ai même pas vu une première fois. Quand je l'ai suggéré, j'étais en train de lire le livre, puis j'étais en train de relire le livre parce que je l'avais déjà lu il y a très longtemps, mais je savais qu'il y avait un lien avec la Tour Sombre, puis comme je suis dans la Tour Sombre, je voulais relire le livre. En tout cas, mais je l'ai suggéré par hommage à Toby Hooper, parce que c'est Salem's Lot, une mini-série de Toby Hooper. Comme j'ai fait pour la journée scientifique fou, j'ai fait un hommage à George Romero en mentionnant Day of the Dead. Fait que là, je l'ai fait un hommage à Toby Hooper qui est mort récemment. mais je ne l'ai jamais vu, puis j'ai pas profité des 31 jours pour le voir, mais je me jure de le faire dans les prochaines semaines, prochains mois. Là. Tu nous en Je vais rajouter mon petit grain de sel. Je l'ai vu pour la première fois récemment parce que je l'ai acheté en Blu-ray et j'ai vraiment aimé ça. OK, c'est pas parfait, ça reste un téléfilm, mais ça n'a pas la gueule d'un téléfilm. La photographie, le visuel est digne d'un film. T'sais, contrairement, mettons, à It, t'écoutes ça et tu vois que c'est un téléfilm. Les acteurs sont globalement bons, puis il y a des scènes vraiment effrayantes qui marquent l'esprit, dont celui d'un enfant vampire qui revient voir son ami à toutes les nuits. Mm-hmm. C'est des scènes qui m'ont semblé vraiment efficaces. Mon gros problème du film était que il y a beaucoup trop de personnages. Fait que tu vagues en tellement de personnages qu'à un moment donné, t'es un peu perdu, puis il y en a qui semblent inutiles. Fait que sur 3 heures, j'ai l'impression que c'est un petit peu too much, mais globalement, pour un téléfilm, Toby Hooper a vraiment fait une bonne job, puis j'ai vraiment eu envie de lire le livre par la suite. Là. Fait que je le conseille. Puis, en tout cas. Le livre, tu sais, je l'ai relu au mois de septembre, puis je me rappelais pas à quel point c'était vraiment un bon livre de vampire. J'ai vraiment eu du fun à le relire, puis c'est très assez compact, assez concis, puis ça se tient bien, c'est ouais. Le fun. C'est une belle histoire de fun, je trouve. Ben, moi, Salem's Lot de Stephen King, il est dans mon top 3. Honnêtement, là, il vient avec It dans ses livres. Là. It, Salem's Lot, puis Cimetière, là, c'est pas mal mes meilleurs. Et parce que je tiens le livre à un niveau de perfection élevé. Salem's Lot de Toby Hooper m'avait beaucoup déçu à l'époque parce que j'avais tellement été effrayé par le livre. Le téléfilm n'avait pas réussi à me donner cette frayeur-là. Mais maintenant, sachant un peu à quoi m'attendre, j'ai le goût de le revoir. Je l'ai racheté en DVD, fait que c'est sûr qu'un jour je vais le revoir. Mais bon, ça reste que c'est un 3h30, 4h à se taper. Là. Mais oui, je me souviens de la scène du garçon et tout ça. Puis tu sais, dans le livre, ça m'avait vraiment marqué. Cette scène-là était vraiment marquante. Puis il manquait un petit quelque chose là, dans le film. Puis, mais bon, regarde, ça reste. C'est le syndrome du le livre est meilleur que le film. Là. Fait que là, pour ma deuxième écoute, je vais m'enlever cette idée-là de la tête. Puis je vais l'écouter pour ce qu'il est. Je risque de plus l'apprécier. Si jamais tu décides un jour de lire La Tour sombre, ben dans le cinquième livre, le prêtre de Salem's Lot, le père Callahan, revient. Et c'est son, on a toute la suite de son histoire après ça. Après Salem's Lot, il fait un grand récit de tout ce qui s'est passé dans sa vie. Puis il fait partie de l'action de La Tour sombre. Mais il y a une nouvelle de Stephen King dans un autre de ses livres qui s'appelle Un dernier pour la route. Oui, c'est vrai. Puis ça aussi, c'est une suite un peu de... C'est dans un village proche de Salem's Lot. Il y a un gars qui arrive d'un bar puis qui dit « Je suis tombé en rack à Salem's Lot puis j'aurais besoin de quelqu'un pour venir m'aider. Ma femme puis ma fille sont restés dans l'auto. Ils m'attendent. Y a-t-il quelqu'un qui peut venir? » Puis tout le monde est comme « Non, man, on n'ira pas t'aider. » Puis là, tu te rends compte que c'est au moment où ce que Salem's Lot est devenu complètement envahi de vampires, tout ça. Puis quand il revient, évidemment, à sa voiture, ben sa femme et son enfant sont plus là. Non, c'était terrible comme histoire, c'est rough. Relier La Tour sombre, le film sera disponible en Blu-ray mardi pour les intéressés, malgré les mauvaises critiques. <C'est>, ouais. Fiez-vous pas là-dessus pour vous faire une opinion de la série de livres. Ça n'a rien à voir. Ouais. Non, même Stephen King l'a dit. Moi, j'ai vu, j'ai été déviergé pour le jour 27 des vampires. J'ai écouté Horror of Dracula. C'était mon premier Dracula avec Christopher Lee. Oh! Je ne connaissais pas Christopher Lee en tant que Dracula. Et je ne connaissais surtout pas Christopher Lee en tant que jeune homme. En tout cas, je pense qu'il est à peu près notre âge. Il est à peu près notre âge à moi et Jeff. Ça fait spécial de le voir. L'histoire est vraiment convenue, là. C'est l'histoire qu'on connaît. Là, ceux qui ont vu Dracula de Bram Stoker, c'est quasiment la même histoire. Fait qu'il n'y a pas grande surprise. Mais mon Dieu que j'aime la couleur dans ces films-là. Le visuel de ces films-là, c'est écœurant. C'est beau comme ça. Pas de bon sens. J'ai vraiment aimé ça. Regarde, c'est du classique de vampire. Comme on l'aime, old style, les pieux, le soleil, les crucifix, l'ail. Les costumes, les décors. Vraiment, C'est ça. Son manoir a un cachet. Tout un cachet. Les personnages sont fun. Les acteurs sont bons. Non, c'était vraiment un bon. C'est sûr que faut pas le comparer, admettons, de celui de Bram Stoker. J'aime plus le Bram Stoker parce que l'histoire est plus étoffée et plus. Il y a plus de viande autour de l'os, mais pour quelque chose qui dure 1h25, je crois, Horror of Dracula, l'histoire est là, pas de perte de temps, go, go, go, on passe à l'essentiel, on s'amuse. C'est pas, on rit pas, là, mais c'était vraiment un très bon film de vampire. Je sais pas pour vous autres. C'est quand tu dis... Devrait pas le comparer à celui de Bram Stoker. Dis celui de Coppola, parce qu'ils sont tous inspirés de Bram Stoker. Oui, ok, non, je comprends. Ouais. Parce que c'est comme le seul qui est. Bram Stoker, qui se voulait plus officiel, mais ouais. Ouais, ça reste non, que, même Nosferatu est basé là-dessus. Oui, c'est drôle d'avoir dit ça. Beau petit lapsus. Comme dans mon entrevue à Radio Cannes, où ce que j'ai dit que David Sandberg avait fait. Court-métrage Lights Out qui dure 2h30. Hey, c'est un bon court-métrage. Le long métrage, il est long. Imaginez le long, c'est ça. Il dure 3 jours aussi. Hey, c'est déjà notre dernière journée, c'était hier. C'était l'animation pour le jour 28. Ah, on faisait pas le 29? Ben, 29, c'est à soir. Moi, j'ai rien écouté encore. À moins que tu aies écouté quelque chose? Ça. Ouais, j'ai juste un truc. Ok, ça, on en parlera. C'est ça, parce que depuis le début, on fait pas le dimanche dans le podcast. Mais de toute façon, c'est le dernier podcast pour les 31 jours. Donc, on peut parler on pourra parler des prochains jours. On ira vite. Okay. Ben, écoutez, sur l'animation, moi, j'avais Peur du noir, Fears of the Dark. Film d'animation avec plein d'animateurs. C'est un film d'animation noir et blanc avec c'est ça, plein d'animateurs différents. C'est plein de petites histoires avec chacune un type d'animation différent et c'était divertissant, mais c'était plus beau que bon. L'animation était vraiment cool. Il y en avait des histoires que visuellement c'était écœurant. Mais il n'y avait aucune bonne histoire, ou presque. C'est vraiment décevant. Il y avait des histoires parce que j'étais comme... Oh mon Dieu, mais c'est parce que je n'ai pas d'intérêt à suivre. J'ai hâte qu'il passe à la prochaine. Le film a genre 4 longues histoires qui durent à peu près 15-20 minutes. Puis entre chaque longue histoire, il y a des mini-segments qui se poursuivent. Tu sais, des petits segments qui se poursuivent entre chaque histoire. Puis ces segments-là étaient plus intéressants que les histoires. Il y a un segment, entre autres, qui m'a fait vraiment rire. C'est un monsieur qui se promène avec 4 chiens. Et ces 4 chiens, c'est 4 chiens vraiment enragés qui veulent tuer. Fait qu'il y a 4 segments, puis à toutes les fois, il arrive devant quelqu'un, puis il lâche un des chiens sur la personne, puis la personne se fait tuer par le chien. C'est tout le temps ça. Mais c'est vraiment divertissant. L'animation était 40, même que des fois, t'es comme « Shit, c'est ben trop fait. » Nickel, là, on dirait que c'est vraiment un vrai chien qui attaque quelqu'un. Mais non, c'est ça. C'était intéressant pour le visuel. Super intéressant, mais j'avais hâte que ça finisse à la fin. C'était pas plus intéressant à côté. Le contenu, non, était plus beau que le contenu. Sinon, ben, je voulais écouter Perfect Blue, mais ça a pas donné. Puis j'ai vu la fin de Frankenweenie après-midi, ça passe à la télé. Je l'ai écouté moi aussi. Je l'ai écouté avec Elliot, puis Elliot était bien fasciné. Il avait de l'air d'aimer ça. C'était un bel hommage au film des années 50, sérieux. Ouais, moi j'avais préféré à l'époque, c'est comme sorti en même temps que Paranorman. J'avais préféré Paranorman. Ouais, ouais. Mais j'avais vu les deux films au cinéma, quasiment back-à-back, puis je me rappelle m'a dit, tu sais, Frankenweenie est cute, mais Paranorman est meilleur. Ouais. Mais Frankenweenie, tu sais, c'est ça, ça vient te chercher vraiment. Si tu as eu un animal dans ta vie, un animal de compagnie ou peu importe, ça vient te chercher. Puis en plus, tout l'hommage au film d'horreur puis science-fiction des années 50 avec la grosse créature Godzilla quasiment, puis toutes les autres affaires qui se passent. Puis c'est. il a pris son court-métrage des années 80 qui était déjà très réussi, un film en vraie personne, puis il a fait ce long-métrage-là vraiment trippant, tu sais, puis c'est selon moi le meilleur film de Tim Burton depuis longtemps. Quoique j'ai pas vu ces deux, trois derniers, mais tu sais, ça restait... quand j'ai vu ce film-là, j'étais comme, OK, waouh, c'est le retour de Tim Burton. Il fallait qu'il aille puiser son vieux matériel pour... pour avoir de quoi être bon. Avoir de quoi être bon, tu sais. Mais je trouve ça plate parce que les gens l'ont un peu dénigré parce qu'il est sorti justement en même temps que Paranormal, puis tout le monde préférait Paranormal. Puis je trouve ça triste dans un sens parce que Frankenweenie, je trouve que c'est un film plus un peu plus adulte pratiquement que Paranormal, je trouve. Puis j'ai l'impression qu'il s'est fait mis de côté justement à cause d'une mauvaise date de sortie, peut-être. C'est un film à revoir pour ceux qui ont peut-être pas trippé tant que ça l'année qu'ils l'ont vu. Oui, c'est à revoir, c'est encore... c'est beau, là. Puis tu vois, c'est ça, justement, je l'ai pas revu dans un contexte... Puis je l'ai écouté dans un contexte de... c'est pas Tim Burton, là, puis je suis pas en train de d'haïr Tim Burton puis faire mon frustré de Tim Burton. Parce que j'avais Elliot d'assis sur moi, puis que je voyais qu'Elliot était bien collé sur moi, puis qu'il... Fait juste à regarder la TV sans dire un mot, je trouvais ça le fun. Non, mais reste que Tim Burton a eu beaucoup de difficultés avec beaucoup de ses derniers films. Puis j'ai trouvé que c'était bon, Frankenweenie, mais il s'est mis des pantoufles confortables pour le faire. Oui. Il est allé il est allé dans ce qu'il connaissait le mieux. Oui, c'est ça. Ouais. Parfois, on peut y reprocher ça aussi. Ben les amis, on va aller vite dans ce qu'on avait peut-être recommandé ou ce qui s'en venait dans les prochains jours, parce que le prochain épisode sera notre épisode 100, alors ce sera pas sur les 31 jours d'horreur. Aujourd'hui, c'est les invasions de domicile. On avait comme suggestion Hush, You're Next, Sleep Tight, Straw Dogs, The Aggression Scale, et Knock Knock. Ben, moi, j'ai recommandé Hush. Les choix très différents. Hein? J'ai recommandé Hush de Mike Flanagan parce que je le trouve meilleur que tous ses autres films. Fait que c'est mon choix. Ouais. Je trouve que c'est un film qui passe super vite. C'est angoissant puis tout. Puis c'est juste parfait. Vicky, toi, t'avais-tu pris Knock Knock sur une liste? Ouais. Okay. Non. Okay. Je savais. Puis je l'ai pas vu, mais je veux le voir. Puis je sais qu'il est massacré. Puis je sais que les critiques sont mauvaises, mais je m'en fous. Je veux le voir quand même. D'accord. J'ai eu du fun. Merci. Knock Knock, j'ai eu du fun, sérieux. Non, pas moi. Qui a suggéré Straw Dogs? Moi, c'était un film que je voulais voir. L'original? Oui. C'est fucking malaisant comme film. C'est malaisant comme film. Je sais pas si c'est tellement bon. Là. On avait fait un épisode sur le bras de fer. Oui. Ok, oui, c'est vrai, vous avez vu. Sinon, Sleep Tight, je pense que j'avais écrit Sleep Tight pareil, ou c'est peut-être Audrey. Toi, Steven, tu avais écrit Aggression Scale? Ouais, qui était un petit film indépendant par le réalisateur de Under the Bed, qui était une espèce de Home Alone, mais plus violent, où que c'est l'enfant qui va devenir une espèce de Rambo contre les envahisseurs là, qui viennent dans la maison. Fait que j'ai trouvé ça vraiment le fun, puis la plupart des gens l'ont pas vu. Fait que j'aime ça faire découvrir des films un peu plus obscurs. Là. Cool. Demain, ça va être la comédie. Donc, on avait Little Evil, ça c'est Jeff. Shaun of the Dead, Audrey qui nous avait suggéré ça. Moi, je suggérais Dare Watching. Puis on avait Elvira, Mistress of the Dark. Ouais, c'est moi, ça. Nice. J'adore Elvira. Écoute, c'est une reine des ténèbres qui est là depuis tellement d'années. Puis ses films sont tellement sympathiques. Je veux dire, j'ai du fun avec ça. C'est pas une comédie, tu vas rire en larmes, mais... C'est le fun. C'est Elvira, merde. Ça n'existe plus des personnages qui sont là, qui t'annoncent des films, puis que durant les entrées, qui te lâchent des petits commentaires sur le mauvais acting des acteurs, tout ça. Puis tu sais, Elvira, c'est une époque qui n'existe plus, puis ça me fait du bien de la revoir. C'est le film original que tu as suggéré, mais il y en a un au début des années 2000 aussi, une suite, avec Richard O'Brien de Rocky Horror Picture Show. Ouais. Je ne l'ai pas vu, celle-là. Mais c'est drôle aussi. Moi, j'ai chez nous un genre de film de série Z pogné d'un marché aux puces que j'avais comme fait plein de films d'horreur à une pièce. J'avais comme pris tout ce qu'il y avait sans me poser de questions. Puis c'est genre... Kids Go in the Wood, Kids Get Death ou je sais pas trop quoi. C'est un film vraiment mauvais. Puis c'est présenté par une fille qui se veut être une Elvira. Mais genre, le setup, c'est juste un bar. Ça. C'est un bar, puis elle est assise au bar. Puis elle est habillée en barmaid. Puis elle parle du film, tu sais. Mais t'es comme, c'est pas Elvira, tu sais. Je peux pas regarder ça puis dire, t'as du charisme ou quoi que ce soit. T'as un personnage, c'est une barmaid dans un bar qui nous présente un film d'horreur. À quel moment est-ce que je suis supposé de faire comme, ouh, waha, je la veux à tous mes débuts de film? Non, tu sais. Écoute, elle a zéro charisme. Tu vois qu'elle lit ses cartons puis qu'elle a appris son texte par cœur juste avant la take. Là. C'est tellement mauvais. N'est pas Elvira qui veut. Quand on avait le canal Scream ici au Canada, au Québec, au début des années 2000, il y avait une présentatrice qui était... Mais il y avait deux, trois que je pense qui faisaient une rotation, mais il y en avait une en particulier que moi, j'avais un gros kick dessus, mais elle était vraiment bonne. Elle était vraiment bonne, je trouve. Tu vois, Frisson TV devrait faire ça. Oui. Ça va peut-être venir. Ouais, je pense que ça serait quelque chose d'intéressant à voir. Vicky, tu pourrais donner ton nom? J'aimerais ça en plus. Elle n'a rien à faire de toute façon, elle n'est pas occupée. Ah, c'est ça qui arrive. C'est ça. elle ne serait pas assise au bar, bien serveuse. Elle serait en train de courir dans le restaurant. Bien sûr, là, je mets dans laquelle. Qu'est-ce que c'est ça, votre film encore? Elle pogne le télé-hebdo, puis elle dit ce qui est écrit dedans. Google, puis sac mon patience. Ben, puis jour 31, on avait mis. On avait originalement Slasher, mais Steven Demanti nous a fait remarquer que hey, le 31, vous écoutez Trick or Treat. Fait que j'ai été obligé d'habitude, de mettre Anthologie. Donc j'ai mis Anthologie comme thématique. Puis c'est Trick or Treat. Est-ce que pour vous autres c'est encore un classique ou est-ce qu'à force de le voir vous faites comme moi là? Non, mais moi je m'attends pas honnêtement là, c'est un film que j'aimerais voir à chaque année dans le temps d'octobre là, c'est l'ambiance parfaite puis j'adore ce film là. On en a-tu un qui l'a à côté? Non hein. Tales of Halloween n'a pas réussi. Holidays n'a pas réussi. Hein? Un film qui se passe à Halloween genre? Ben une anthologie avec ce ton d'humour noir. Tu sais, admettons, je pense qu'on a eu des bonnes anthologies, là, Southbound, exemple, des trucs comme ça. Mais avec ce genre d'humour-là? Non. As-tu pas rapidement. Non, rapidement de même, il n'y a rien qui me dérange. En même temps, Trick or Treat, c'est une grosse production qui a été peaufinée et qui a eu du temps. Tales of Halloween, c'est un petit film indépendant qu'ils ont fait avec peu de budget puis avec une limite de temps restreint. Fait que pour le produit qu'on a eu avec les moyens du bord, je trouve que Tales of Halloween est quand même sympathique avec plusieurs segments que j'ai trouvé vraiment le fun. Moi, je trouve que c'est un film, une anthologie vraiment agréable à écouter durant le mois d'octobre. Là. Fait que je le défends encore, ce petit film-là qui semble mal aimé, malheureusement. Ouais, ben je pense qu'il n'y a pas eu le succès qu'on pensait qu'il y aurait. Là. Quand il est arrivé, on a fait « Yeah, right. C'est notre nouveau Trick or Treat », puis finalement, pouet. Ouais. Hey, les amis, avant qu'on passe à la conclusion, on va faire une mini-pause musicale. Puis avec encore une fois une suggestion de Guillaume Couture, qui était sa chanson numéro 19 de Sufjan Stevens. Et le titre, c'est John Wayne Gacy Jr. Puis on se retrouve après pour la conclusion. A drinker, and his mother cried in bed. Folding John Wayne's t-shirts when the swing set hit his head. The neighbors, they adored him for his humor and his conversation. Look underneath the house there, find the few living things riding fast in their sleep, all the dead. 27 people, even more, they were boys with their cars, summer jobs. Oh my God. Dressed up like a clown for them, with his face painted white and red. And on his best behavior, in a dark room on the bed, he kissed them all. He'd kill 10,000 people with a slight of his hand, running far, running fast to the dead. He took off all their clothes for them. He put a cloth on their lips, quiet hands, quiet kiss on the behavior. I am really just like him. Look beneath the floorboards for the secrets I have hid. Et c'est déjà la conclusion de cet épisode, mais c'est aussi la conclusion des 31 jours d'horreur qui ont encore une fois passé vraiment vite. Mais j'ai l'impression que pour plusieurs personnes, ça a été l'année la plus difficile. Steven, je pense de ton côté, qui était qui l'avait facile les autres années, cette année, ça a été un petit peu plus dur de suivre. Ouais, j'ai vraiment eu de la misère à suivre les 31 jours. J'ai aucunement réussi à faire le défi d'un film d'horreur par jour, contrairement à les autres années. Ça a juste mal à donner avec plusieurs choses, mais je dirais que l'année prochaine, je vais m'y prendre un peu plus d'avance, puis ça va sûrement aller mieux. Tu peux pas t'y prendre d'avance, Steven. Ça commence au 1er octobre. Commence pas ça au mois de juin, mais si. Ben oui, je vais commencer ça au mois de septembre. Moi, je vais tout écouter d'avance. C'est bon, ça. C'est drôle. Jeff, ben écoute, tu vas nous avoir des suggestions. Peut-être que, écoute, ça va être ton kid qui va être avec toi, puis c'est lui qui va suggérer l'année prochaine. Ouais, l'an prochain, ben j'ai aussi l'intention de me reprendre l'an prochain. T'sais, c'était ma première année en tant que nouveau père, c'était une adaptation, oui. Tout ça. Puis il y a deux semaines, j'ai commencé à être père à la maison, à temps plein pendant que ma blonde a recommencé à travailler. Fait que là, tu sais, je savais d'avance que j'aurais pas le temps d'écouter des films. C'était un de mes pires Halloween. L'Halloween n'est pas encore passé, mais c'est un de mes pires mois d'octobre. T'sais, vraiment pas dans le mood. J'ai pas écouté de musique d'Halloween, rien. Pourtant, j'adore le mois d'octobre, j'adore l'Halloween. Mais non, cette année, ça n'a pas été. C'est la seule chose que j'ai faite, c'est ça. Je l'ai dit à toi les semaines, j'ai lu La Tour Sombre, je suis rendu dans le sixième. Fait que c'est la seule chose horrifique, si on veut, que j'ai lu, que j'ai vraiment fait. Mais c'est ça. Je vais m'en reprendre l'année prochaine. Puis dans les prochains mois aussi, peut-être. Là. Ouais. L'année prochaine, il y aura peut-être moins de bonnes séries. tu vas avoir fini La Tour Sombre. C'est moi qui m'en mets trop ses épaules. Des là, là, il va avoir ton kit va être déjà rendu un petit peu plus vieux. Tu dis bonne série. Tu sais, je t'ai dit en privé que j'écoutais 5-6, au moins 6-7 séries. Puis, tu sais, c'est pas toutes bonnes, parce que c'est moi qui vais les écouter. Tu sais, je privilégie les séries au-dessus. Dans le fond, t'as pas une Marie-Ève, t'as pas comme Marie-Ève chez nous à côté de toi qui fait comme JF, la vie est courte. T'as-tu vraiment besoin d'écouter un autre épisode de ça? T'as pas. Va falloir qu'on ait un petit pep talk avec ta blonde qui a dit JF. Ouais. Oh, elle serait d'accord. c'est sûr que j'en écoute trop de télé. As-tu vraiment besoin de te retaper toutes les Star Trek, Jeff? Hein? La vie est trop courte. J'ai jamais vu. Toi, Vicky, ben écoute, c'est ben, resto oblige, écoute, c'est... Hein? Ouais, mais l'an passé, j'étais en réno, fait que j'avais vraiment... Ben, j'étais ouverte, mais tu sais, j'étais vraiment mais tout début. Fait que c'était super dur, alors que cette année, au contraire, je te dirais que l'épisode précédent, le dernier épisode qu'on a fait, ça a été la semaine où j'en avais le moins écouté. Sinon, je peux te dire que j'étais un bon 20 sur 31. Okay. Ben non, moi... ça a été une des années les plus faciles, surtout comparant l'an passé. L'an passé, j'ai fait quasiment aucun show en plus. C'est vrai, c'est vrai. Ben moi, ça a été ma plus facile. Je pense que j'ai manqué 3 ou 4 cette année. Les autres années, j'avais beaucoup besoin de tricher là, en écoutant. Ben l'année passée, on avait des suggestions de Simon Predge là, avec ses épisodes télé d'horreur. Puis souvent, je me contentais d'écouter un épisode de télé d'horreur parce que c'était plus court. Cool, mais sérieusement, cette année, non, il n'y a pas une journée où je n'ai pas écouté un film d'horreur. À la limite, il y en a que j'ai pas écouté au complet. Là, mais c'est ça, ça donne peut-être 3-4 films en tout. T'as pas écouté The Wailing? non, parce que j'ai toujours été en côté de durée. J'ai toujours checké la durée des films. Puis sinon, ben gang, je vais vous demander qu'est-ce qui se passe d'horreur d'ici le 100e épisode de votre côté télé, cinéma, lecture. Jeff, tu vas lire La Tour Sombre. Ouais. C'est bon. Je suis là-dedans. Il y en a 8, hein, c'est ça? Il y en a 8e ou il y en a 8? 7. Il y en a 8e qui se passe entre le 4 et le 5, mais tu lis à la fin. C'est comme ça n'a pas vraiment d'incidence sur la quête principale. Bon, fait que peut-être que dans 2 semaines, tu vas avoir fini. Peut-être. Tout qu'un craqué. Vicky, toi, à part au bistrot, là, vous avez des trucs qui vont être faits. Mais... C'est ça. Le bistrot est entièrement horreur pour les journées du 30 et 31, là, avec un cinémato-quiz horreur le 30, donc un quiz vraiment orienté sur les films d'horreur. Et le 31, marathon de 11h le matin à minuit le soir, qui ne fait que du film d'horreur. Alors moi, je vais en écouter encore tout plein pour les 2 prochains jours. Et tu vas être sinon dans Walking Dead? Oui, mais tu sais... C'est la première année que je commence avec peu d'enthousiasme. C'est la 8e saison et c'est la première fois que je suis si peu enthousiaste pour Walking Dead. Shit. Ouais, mais tu vois, moi, regarde, j'ai même pas encore fini la 7e. J'avais écouté 3 épisodes puis j'étais poète. Fait que. Malgré le premier épisode qui était l'épisode choc, ça avait pris 2 épisodes pour m'enlever mon intérêt. Oui! Tout à fait. Le premier épisode valait vraiment la peine, mais je peux te le garantir que tu écoutes le premier épisode, la demi-finale, le retour de la demi-finale, puis la finale, puis t'es correct. Boy, c'est décevant en salle. Steven, toi, dans les prochains jours? Ouais, ben, grosse semaine pareil. On prépare un épisode spécial sur toute la série Décadence, une genre de rétro, un épisode vraiment le fun. Puis on s'attaque au nouveau que je devrais voir au cinéma prochainement aussi. Et j'en profite aussi pour revoir un des films de ma jeunesse qui est ressorti dans une belle édition Blu-ray Transfer 4K que j'ai reçu vendredi, Rawhead Rex. Un film qui, le scénario était de Cliff Barker. Ça n'a pas la réputation d'être un bon film, mais pour moi, dans mes souvenirs, c'est un plaisir coupable que j'affectionne beaucoup. Puis là, le fait qu'il y ait eu une édition de malade, ben gars, je m'en plains pas. Fait que j'ai bien hâte de le revoir. Genre de film que j'ai jamais vu, mais la pochette m'avait toujours intrigué. Quand t'as fait ton pose de ta photo cette semaine, j'ai fait comme « Ah oui, ok, c'est quelque chose ce film-là. » Pareil pour moi aussi. Ouais. Jamais vu, mais tout en vu la pochette. Ah, la pochette a marqué pas mal de gens. Elle est comme incompréhensible, la pochette. C'est juste moi. Je la regarde puis je sais pas ce que je regarde. Ouais. Je comprends pas. Tu regardes un monstre complètement awesome, puis là tu dis le film va être hot. Quand tu vois que c'est Cliff Barker au scénario, t'es comme « Ok, c'est sûr que c'est de la bombe. » T'écoutes le film, t'es comme « Bah... » Mais toi, Seb, là, qui a absolument rien de gros qui s'en vient, tu vas-tu être là au 100e? J'espère. Oh. Pourquoi tu dis ça? Ben, je sais pas. T'as rien de gros qui s'en vient à ta vie, là, y a rien qui... Ben là, écoute, je devrais être... Dans 2 semaines, là, je devrais être encore là. Je devrais être encore là. Mais dans le fond, c'est ça. Ben, on voulait pas spoiler, mais le 100e se passe à l'hôpital. Là, c'est ça. C'est ça. Vous allez entendre des cris de douleur. Puis tout ça, vous allez dire, mon Dieu, le setup est incroyable, mais non. Oh my God! Ça va, il va avoir du sang, il va tout avoir. Là, écoute. Oh God. Peut-être avoir des infirmières folles, des docteurs complètement cinglés. Mais non, mais écoute, moi, si c'est le même, là. Oh fuck, faut pas que je pense trop fort, mais dans 3 semaines, je suis 2e papa. Ouais. Dans trois semaines, à peu près max, je suis papa une deuxième fois. Donc, avec le centième, c'est ton dernier épisode avant un petit bout de temps. Avant un petit bout de temps. Donc, on va voir ce qui va se passer. Tu peux enregistrer pareil avec le bébé des bras. Peut-être que pas de ça. Mais, tu sais, plusieurs personnes nous disent que la dynamique d'un deuxième, c'est pas pareil. T'es moins déboussolé. Puis tout ça. T'es moins tout le temps dessus aussi, j'imagine. Ouais, mais tu sais, je veux dire, il y a moins un choc de ton environnement. Ouais. T'es déjà tu sais un peu à quoi t'attendre. Mais bon, ça reste qu'il va avoir un choc. Anyway, c'est sûr et certain. Il y a quand même un autre petit gars qui va vouloir avoir de l'attention. Mais c'est ça. Fait que oui, le centième risque d'être un de mes derniers avant peut-être une pause de quelques semaines. Ça reste que Alex Perron voulait absolument qu'on fasse un épisode qu'on l'aurait Noël. Pour Noël. Fait que ce sera peut-être une façon de revenir dans mon cas, en tout cas. On verra de votre côté si vous prenez la relève du podcast pendant ce temps-là. Ça, nous autres, on va être là au mois de novembre. Là. C'est ça, vous allez être là. Oui, puis, tout à fait, tout à fait. Puis, je voulais en profiter, j'en profite pas, c'est même pas un lien, je saute du coq à l'âne, pour remercier nos patrons. Donc, comme d'habitude, avec notre Patreon, il y a des gens qui se méritent leur petit shout-out à chaque fin d'épisode. Et j'ai nommé Véronique du podcast Les Douces Folies de Nikki, ainsi que Marc-André Lavigne, qui d'ailleurs, Marc-André a gagné un laissez-passer double cette semaine pour Jigsaw. Donc, nice! Ouais, j'étais bien content. C'est vraiment du pur hasard, mais j'étais bien content de voir qu'un de nos patrons gagnait. Donc, merci. Shout-out à vous deux. Toujours le fun. Surveillez notre Patreon. On va sûrement faire une annonce pour vous parler un peu de ça. Ça risque de changer. On en a parlé un peu en privé, mais on n'a pas statué sur quoi que ce soit. Mais il va peut-être avoir un petit peu de changement sur les différentes récompenses et tout ça. Peut-être plutôt que de changer ça au mois, on va changer ça à l'épisode. Donc, ça va peut-être coûter moins cher pour ceux que sont frileux sur la bourse ou whatever. Donc, notre but, c'est pas d'aller chercher plus d'argent, c'est qu'il y ait plus de monde qui nous écoute live. Donc, peut-être réajuster ça. Reste que c'est le fun d'avoir une dizaine de personnes live sur le chat qui commentent tout le long de l'épisode. Ça nous donne l'impression qu'on... Ça nous donne déjà du feedback pour les épisodes avant même que l'épisode soit sorti en ligne. Vicky? On n'avait pas un concours à soi? Non. Présentais un début de concours, mais en effet, c'est vrai. Okay. Merci. Je l'ai présenté hors épisode, mais je vais vous le présenter là. On a trois films qui nous ont été donnés par, encore une fois, Métropole Film, qui nous ont donné des prix tout le long des 31 jours d'horreur. Donc, on fait tirer, c'est un bundle, les trois ensemble, on va faire tirer le Blu-ray de Evil Dead 2. Puis les deux prochains, c'est des DVD, on a It Comes at Night et A Ghost Story. Deux films qui ont fait beaucoup parler cette année. It Comes at Night, que j'aimerais bien pouvoir déballer. Mais bon, ça a l'air que j'ai pas le droit. Il faut que je le fasse tirer. Donc, on va le faire tirer. On va quand même faire un post pour expliquer le concours. Mais pour les laisser passer double, bon, on demandait aux gens de taguer, puis ça crée ben du buzz, puis tout ça. Mais j'ai le goût de ça, de les faire tirer pour du monde qui écoute le podcast. Donc, j'aimerais ça que vous nous disiez. Et là, c'est un peu tannant parce qu'il faut peut-être vous veniez, mais c'est un titre qui va avoir été facile à retenir. C'est quoi le film familial dont on a parlé pendant l'épisode? Il y a un film familial qu'on a parlé quand même pendant au moins 5 minutes. Si vous avez écouté l'épisode. Et le film, c'est. Non. Ben écoute. Si vous écoutez l'épisode de 32, le film c'est Goosebumps. Vous le savez déjà, mais c'est ça. Donc, c'est vraiment ceux qui vont avoir écouté l'épisode qui vont le savoir. Je vais faire un. On ne répondra pas sur Facebook, on va vraiment répondre sur la page du site. Comme ça, il n'y a pas quelqu'un dans les commentaires qui va écrire Goosebumps, puis les autres vont juste écrire en dessous. Ah ben, c'est Goosebump, Goosebump, Goosebump, Goosebump, Goosebump. C'est un peu plate. Donc, c'est ça, je veux vraiment le faire tirer ça parmi les auditeurs du podcast. Je pense que c'est important aussi d'y aller là-dessus. Moi, j'aurais aimé ça que la question soit essayer de deviner c'est quoi la substance sur le nez à Seb. Ah ouais! Ouais, non, c'est, ouais. Écoute, c'est... On a déjà deviné. Je sais, c'est la couche à Elliot. Mais non, s'il n'y a pas d'odeur, mais... Donc, c'est ça. Mais mine de rien, je voulais le mentionner parce que tous ces concours-là nous ont quand même fait en sorte qu'on est rendu à au-dessus de 900 fans sur notre page Facebook. Et il y a deux semaines, je faisais un post Facebook pour dire aux gens « Hey, il nous manque un like pour arriver à 800. » Donc, nice. En à peu près deux semaines, on a eu 100 nouveaux likes sur notre page Facebook. Je pense que d'ici de l'année, si on y met d'une autre, on devrait arriver aux 1000 likes sur la page Facebook. Je serais vraiment très, très, très, très content de finir l'année avec un 1000 likes. D'ailleurs, si vous écoutez le podcast, vous êtes encore là en train de m'écouter radoter alors que tout le monde se dise quand est-ce qu'il va finir et qu'on puisse aller se coucher. Écrivez-nous si vous êtes des nouveaux auditeurs. J'aimerais vraiment ça savoir. J'aimerais vraiment que... T'sais, on connaît les vieux de la vieille, mais j'aimerais ça entendre parler ceux qui viennent de nous découvrir. Puis dites-nous pourquoi, quel épisode vous avez commencé ça, d'où c'est que ça vient et tout ça. Donc j'ai vraiment le goût de savoir qui nous suit depuis peu longtemps. Et donc c'est ça. Je repose la question. C'est quoi le film de familial qu'on a écouté, dont on a parlé pendant l'épisode? C'est Goosebumps. Vous surveillerez la publication Facebook. Et ça va vous amener une page du site pour répondre à ça. J'ai plus rien d'autre à vous dire. Est-ce que j'oublie quelque chose? Non. Non? Je vais vous souhaiter un beau bye-bye. Beau bye-bye, Sam. Ouais. Bye. Beau bye-bye, JF. Bye. Beau bye-bye, Vicky. Bye. Beau bye-bye, tout le monde sur le chat, tout le monde qui nous écoute. On se retrouve pour le 100e épisode dans deux semaines. On dormira pas de la nuit pendant deux semaines parce qu'écoute, on a trop de préparatifs à faire. C'est fou, on ne sait plus où donner de la tête. Mais on se retrouve dans deux semaines pour le 100e épisode. D'ici là, gardez ça horreur.